Salut les petits clous, vous êtes bien sur RQC et c'est 80 à l'heure. Allez, à plus, ciao. Bien, salut à tous et bienvenue dans l'émission 80 à l'heure, hein, comme tous les mardis soirs de 20h à 22h30. Une émission qui va démarrer sous les meilleurs auspices, je le sens bien, parce qu'on a des petits problèmes techniques, donc il faudra peut-être pas nous en vouloir, il y aura peut-être quelques petits couacs, voilà, parce qu'on n'a pas de casque, on n'a pas de quoi entendre ce qui se passe forcément à l'antenne, donc surtout de votre côté, si vous vous rendez compte qu'il y a les voix qui vont trop fort ou des choses comme ça, surtout n'hésitez pas, hein, via Facebook, sur notre page 80 à l'heure, et bien vous nous passez le message, comme ça on essaiera de s'adapter, ça risque de durer que quelques jours, ça va vite être réparé. J'espère que vous allez bien. Table exclusivement masculine ce soir. Oh, c'est vrai. Ouais, j'ai dit masculine. Oh. Et ben voilà, on va commencer par le plus beau, évidemment. Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment ça va? Ça va. Depuis ça va deux semaines. Oui, bah pour toi, ouais, deux semaines. Bah oui, Une semaine. Pour nos deux acolytes. J'ai bien dit acolytes. Oui. Autour de la table. Absolument. Donc toi, on va te retrouver pour deux chroniques. C'est ça, ouais. Alors rappelle-nous un peu les horaires, j'ai tout oublié. Hein, mais... Alors 21h, la chronique Ciné Rétro 80, ouais. Où je reviendrai sur un film des années 80 que j'ai regardé cette semaine, ouais. Et que je vais essayer de vous faire deviner. D'accord, quelle année? Les années 80. D'accord, ça marche. Alors 1989. D'accord. Et je pense que Flip 4 peut être le premier à le trouver, celui-là. Ah, d'accord. Ah ouais. Ah. Ah. Je pense que Flip 4 peut être le premier à le trouver. Les vagabonds, on fait un film. Les forbans, on fait un film. Non. Ah, d'accord. Il y avait longtemps. Alors, et ensuite, 22h pour ouais. Les sorties ciné de la semaine. D'accord. Voilà. D'accord. Ça marche. Bah écoute, on a hâte. Il y a notre ami Canon, évidemment, toujours bonsoir là. La France, bonsoir la Belgique, bonsoir le monde. Ouais, j'espère que vous allez bien. Bah écoute, ouais. D'ailleurs, en pleine forme. Ouais. C'est vrai que les auditeurs, il faut leur dire, on n'a pas de retour de casque. C'est-à-dire que là, on est dans un univers, en fait, on est en train de se parler. Ouais. On n'a pas de musique derrière, on n'a pas de retour. Moi, je suis avec trois acolytes qui ressemblent à rien en plus, mais ça fait plus de 5 ans. Et j'espère t'es, que. T'es vache avec tes potes, voilà. Honnêtement. Ouais, je trouve aussi. Ouais. Donc j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous revoir. Bah ouais, écoute. Enfin, écoute, c'est bon, hein, je te vois assez souvent. Donc voilà. Et donc toi, petite chronique aussi également? Ouais, petite chronique, hein. Je vais revenir un petit peu, j'ai changé par rapport à d'habitude, je vais revenir, il y a eu pas mal de décès l'année dernière, ne vous inquiétez pas, je vais pas plomber les yeux. Il y a beaucoup de gens qui sont décédés, des artistes qui sont beaucoup moins connus que Prince, etc. Et j'avais envie de, j'ai été chercher un peu, explorer tout ça, mm-hmm. Et il y a des gens en fait qui ont fait des trucs que vous connaissez énormément, ouais. Dont on n'a pas parlé, enfin... A fortiori, moi, j'ai pas eu l'information. Et vous allez me dire, si vous les connaissez, en fait, quand je vais vous passer les titres, vous allez me dire, non, pas lui, et si, et il est décédé, et elle est décédée, et c'est des gens qu'on connaissait. Comme ici, la Lambada récemment. Oui. Oui. Ah, c'est vrai. Oui, ouais, la chanteuse. Ce que je disais à mon ami, c'est d'accord, elle était pas bien vieille en plus. Non. Elle a été retrouvée calcinée après un vol dans sa voiture, elle a été cramée et butée dans sa bagnole. Ah, c'est pas super. Cool. Ah, si, non, vraiment. Ouais. Mais je m'en fous parce que j'ai connu mon ex-femme sur cette musique-là. Ouais. Je me suis dit qu'elle a eu ce qu'elle méritait. Oh, quel salaud. Amis auditeurs, si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Non, ça c'est vache. Ça c'est vache. On va le biper là parce que là, honnêtement, c'est vache. Bon, en parlant de biper, Flip 4. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Belle chronique ce soir aussi également. Pourquoi tu à propos de biper? Bah je sais pas parce que je sais pas que bon, j'en sais rien parce que biper ça t'allait bien je trouve. C'est quoi bibop? Voilà biper bibop. D'accord. J'en sais rien. Non mais pourquoi pas. Hein, je veux dire. Donc ce soir une chronique. Ouais. Une enfin pas une nouvelle chronique tu me l'avais faite. Non je pense que c'est dans mes premières chroniques juin 2015 quand même. Oula oui. Ouais, je me trompe pas ouais. Mm-hmm. Je vais vous reparler à nouveau des Pogs. Ouais. Vous aviez aimé en plus. Ouais. Dirty Old Town. Ah oui, ça j'adore. Ouais. Ça j'adore absolument et c'est à 21h30. Ah, 21h30, oui. C'est pour ouais, si pas trop bousculer. Ça devrait être assez prochainement. Bah toi genre 11h moins le quart. Ouais, comme ça toi. Non mais t'inquiète, mais tu sais quoi. Non, on va faire une coupure musicale et on va et... en briller sur ta chronique. Peut-être. Oui, je vais réfléchir. Attends, c'est parce que je voulais dire un truc si on peut rappeler à nos amis auditeurs s'ils peuvent appeler pendant les coupures musicales. Ouais, ouais, et éviter absolument. D'appeler quand on est à l'antenne, merci. Absolument, absolument. On ne répond que pendant les coupures musicales. Sherlock ne répond que pendant les coupures musicales. Non, non, c'est Flip 4 qui est au standard. D'accord. Ok, donc Flip 4 ne répond amis que. Bonjour. Ouais, c'est ça. Absolument. Je ne vous entends pas, monsieur. Appuyez sur le bouton. Ouais, c'est ça. C'est quoi ton petit prénom? C'est Thérèse. Alors Thérèse. Ah ouais, bah Thérèse. Bah écoute, en parlant de Thérèse, Sherlock, hein. Oui. On va couper le cours à tout ça. Ah bah écoute, attends, ça me fait penser à autre chose. Ouais. De ce fait-là, je vais changer. Je vais essayer de retrouver ça. Non, oh, ça me fait peur, ça. Alors, vous êtes toujours à l'écoute des RQC, sur 95 FM. Toujours sur ATL, on est en train de se faire chier. Mais si ça continue, Sherlock, on va l'appeler 50 à l'heure, tu vois. Mais non. Et ben voilà, alors, ça y est. Avant l'accident, tu es comme ça. Vous m'avez fait penser à ça. Je vais vous mettre la troupe du Splantide avec Cisla. La troupe du Splantide. La troupe du Splantide. Aïe, aïe, aïe. Donc, la troupe du Splantide avec Cisla, oui. Donc, c'est... En fait, un remix des dialogues qu'il y a eu pendant. Donc, merci d'appeler pendant les pauses musicales. Ouais, ouais. On vient de le dire. C'est ça, oui. Et donc, ils ont repris quelques morceaux de dialogue du film qu'ils ont remixé un petit peu comme ça avait été fait avec l'émission de Chavan. Ouais, ouais, avec 19 aussi. Oui, exact. Okay. Yves Mourouzi. Et donc, là, c'est cela, oui, de la troupe du Splendide. Et ensuite, on reviendra avec Avalanche, avec Johnny Come Home. Et moi, je voudrais rajouter que dans la troupe du Splendide, quand même, on a une chanteuse qu'on a eu l'occasion de recevoir ici depuis, enfin, il y a quelques années, mais il y a quelques mois d'ailleurs, Emily Anne Charlotte, qui fait partie du groupe du Splendide. Ah oui, depuis un... Splendide. Absolument. Ah bon? Et oui. Donc, entre ses spectacles au Théâtre des Deux Ânes à Paris, elle tourne régulièrement avec la troupe du Splendide. Et je pense, sincèrement, je crois que quand elle fait de la salsa du démon, c'est elle qui fait le rôle de Vampirella. D'accord. Allez, on va jouer. Eh bien, écoutez, on va s'écouter ça tout de suite. Allez, c'est parti. Père Noël, c'est une ordure. Je vous ai beaucoup moins bien réussi que le porc. Tesla. Tesla. L'acoustique. Tesla, oui. Tesla. L'acoustique. Avec brio. Allô, à Créteil. Père Noël, c'est une ordure. Tesla, oui. Tesla, oui. Allô, allô, allô. Salut, c'est partenaire. Salut, c'est particulier. Et on est avec vous sur RQC. Dans l'émission 80 à l'heure. Je suis un être à la rue. Ouais, ouais, et on dirait franchement une chanson typique Eurovision. C'est vrai, ouais. Je l'imagine bien l'Eurovision. Je me demande même si c'est peut-être même pas passé l'Eurovision, ça, non? Je sais pas, mais je vais vérifier après. J'étais un fan de l'Eurovision et ouais. J'avais ça à la maison, de toute façon, l'Eurovision. Ouais, t'écoutais que ça. J'étais quoi. Dans un placard pas nourri. Sous vrai, un escalier. Et il y a une chouette qui lui ramenait du courrier tous les ans, tu vois. Non, mais sérieux, combien d'années? Combien d'années t'étais séquestré? Au moins 4 à 5 ans. Mais t'as bien récupéré quand même, t'as pas de séquelles? Si, mais c'est parce que je suis habillé. Alors, avant de laisser la parole à Canon, excuse-moi, c'est parce que je tombe sur un truc vachement sympathique. La bibliothèque de Boucron, il y a quand même une belle actualité. Il y a pas mal de formations, il y a un programme qui est assez chargé. Vous avez pas mal de conférences, vous avez des lectures, des contes, ce genre de choses, des formations aussi. Et il y en a une, tiens, pour toi, Flipkat, ça pourrait être sympa. Je crains le pire. Et c'est gratuit en plus, non, et c'est le 29 avril, donc ouais, de 9h30 à midi. On verra après. Donc c'est un atelier d'écriture sur l'humour. ouais, pourquoi pas, ouais. Donc voilà, donc pour les débutants qui n'ont pas d'humour. C'est toi qui dis que je suis débutant. Ah, c'est toi qui dis que je suis débutant. Ah ouais, non, mais c'est tout, c'est comme ça. Il n'y a pas d'humour, hein, c'est l'humour. Hein. L'humour. Ouais, bien sûr, tout à fait. Ça, ce sont deux choses différentes. Mais non, je t'acquitte. Non, c'est pour renouveler tes blagues, en fait, je pense. Voilà, je l'ai pas encore faite. Hein. Non, mais je l'ai fait pile ou face. Je me suis dit, est-ce que je le casse pour Charles? Mais si vous voulez, non, si vous voulez. Maintenant, ça me dérange pas. Soir, je fais soirée zéro humour. Hein. C'est... Oh, alors là, si vous voulez, je te lance le défi. Ah ouais, non, alors, problème. Soirée sans humour. Ah, sans humour. En quoi pas, je sors pas une vanne. Tu veux encore allez, faire une déjà, c'est déjà une vanne. Voilà. Non, c'est une vanne. Alors, Canon, parle-nous un petit peu de ton enfance perturbée, de ta séquestration. Oui, tu veux vraiment que j'en parle? Non, tu veux parler de ta chronique plutôt, alors évidemment. Ouais, non, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, il y a beaucoup de stars qui sont décédées en 2016, rappelez-vous, j'ai mon micro qui se barre, alors si j'ai pas le truc, ça va pas aller. Ouais. On va parler de Prince, par exemple, on a pas mal de stars comme celle-là qui sont parties. Johnny Hallyday. Ça va pas tarder, mais pour l'instant, ouais. Écrit, ouais. Ces derniers titres, ça devrait pas tarder. Donc, et en fait, vous avez pas mal de stars qui sont disparues, alors... Soit des stars dans notre pays ou ailleurs, mais qui ont vraiment marqué par leur actualité ou par leur musique. À savoir aussi, il y a des gens, c'est par 400, 500 000 personnes à chaque concert. Ouais. Venezuela, tout ce que vous voulez. Alors, je vais vous parler. 500 000 personnes par concert. 500 000 personnes par concert. Donc, je vais en parler après. Donc, j'ai commencé. Alors, j'ai fait aussi un petit récapitulatif musical que nous n'entendrons pas dans le casque, malheureusement, sauf si Sherlock arrive à nous l'envoyer. Qui va nous l'enverra puis... Je vais vous parler avant tout, c'est Sharon Jones. Est-ce que ça vous parle? Sharon Jones. Elle fait partie d'un groupe. Sharon Jones, oui. Qui peut, Sharon Stone, oui, je connais. Non, ouais, justement, c'est Sharon Jones. Les Dap Kings. Absolument pas. Voilà, c'est dans les années 1980, qui avait été avant une gardienne de prison. Tout simplement. Ouais. Vous ne la connaissez pas. Tout simplement. Mais je veux dire, elle a une voix monstrueuse. Elle était gardienne de prison. Elle s'est mise comme chanteuse. Elle est morte le 18 novembre 2016. Elle a une actualité. Alors, bah voilà, on ne la connaît pas, mais elle a vendu plein d'albums. Elle a une voix exceptionnelle que je t'invite à lancer et tout ça. Si tu peux la lancer, la voix. Ouais, ça va être super, ça va être bien. 100 days, 100 nights, to know a man's heart. Sharon Jones, je vous parlais d'un autre aussi, c'est Léon Russell. Est-ce que ça vous parle? Ah oui. D'accord. Ah, pas moi, par contre. Non. Mais par contre, cette chanteuse-là, ça me dit quelque chose. Léon Russell. Oui. Ah, ça fait du Amy Winehouse, je trouve, un peu. Léon Russell. Non, mais il y a une chanson qui ressemble à ça. Je vais vous parler ça a été remixé dans une chanson il y a pas très longtemps, il me semble. Ça a été repris directement. Et d'accord. C'est okay. Ça. Alors justement, je peux pas rentrer dans chaque artiste, j'en ai fait plusieurs. Je peux pas rentrer dans leur actualité parce que si ça va être très très compliqué. Donc je les connais pas personnellement. J'essaie de vous montrer en fait, vous allez avoir des lignes de basse ou rythmiques ou musicales qui vont vous parler en vous disant mais c'est pas possible que c'est lui. Bah si, c'est vraiment l'auteur original et tout ça. Léon Russell donc est mort le 12 novembre 2016 à Nashville. C'était un artiste qui s'est fait connecter avec les tubes Tyrone Group et Lady Blue. si ça vous parle, oui. Mais aussi en produisant et en participant à l'enregistrement de types Tide Bomb, Dylan, Frank Sinatra, les Rolling Stones. Rolling Stones. Vous avez un petit garçon, un mec pas très très connu qui s'appelle Elton John, qui disait lui, il a été mon mentor et une inspiration pour moi. Donc, sachez que c'est quand même Elton John. Et il est décédé à l'âge de 74 ans et il chantait en fait ça, tout simplement. On va vous passer l'extrait audio. Oh, she gets me where I live. I'll give her all I have to give. I'm talking about that humming, babe. Just a little and a love well, too much for words to say. Et oui, en fait, c'était le mentor. Bah, beaucoup de gens vont se dire autour de la table, là, ben non, on ne connaît pas forcément. Et pourtant, non, là, ça ne me dit rien du tout. C'est ce qui a donné. Et il chantait avec les Rolling Stones. Il y a quand même un peu de diatonique là-dedans qui sonne avec les Rolling. Voilà. Je vais vous parler de Leonard Cohen. Ah oui. Voilà, célèbre auteur, poète, chanteur canadien qui s'est éteint là, le 7 novembre 2016 à l'âge de 82 ans. La mort était d'ailleurs un de ses sujets de dernier album. C'était You Want It Darker, sorti le mois précédent. Nous avons perdu un des visionnaires les plus adulés et prolifiques. Des plus grands succès reste la chanson Alléluia. Alléluia, absolument. Évidemment. Reprise un nombre incalculable de fois depuis sa sortie en 1984 et avec une version directement de Leonard. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Reconnu donc Leonard Cohen, hein, le célèbre titre Alléluia. Ouais, qui avait été repris par Jeff Buckley d'ailleurs. Ouais. C'est celui. Ouais. C'est la version la plus connue, je pense. Voilà, la plus connue, c'est vrai qu'on se dit quand même, le mec il a une voix de crooner assez formidable. Un autre chanteur, si je vous parle de Dead or Alive. Bien sûr, oui. Pete Burns, qui est mort à l'âge de 57 ans. Exact, ouais. On n'en a absolument pas parlé. Enfin, non. J'en ai parlé lors d'une émission, c'est quand elle était décédée. Non, jamais tes émissions. Mais, ah d'accord. Donc évidemment, popularisé par le tube You Spin Me Round. Donc le pure Like tube, a Record. Voilà, Like a Record. Il s'était ensuite fait remarquer pour son goût du travestissement transier, puisqu'il était devenu... il ressemble plus à rien. Ah, je crois qu'il était trans. Il était travesti, il n'était pas trans. Ah ouais, d'accord, parce qu'il a fait, il a fait sa bouche. Je sais pas s'il était monté à l'envers, enfin, en attendant, quand il est arrivé sur scène, ça ne ressemblait plus à l'envers. Affreux. Ah oui, c'était noir. Et donc, il a participé en fait à l'émission, c'était Celebrity Big Brother, et il en est mort. De quoi il en est mort? Non, il en est mort parce que ça s'est très mal passé. You spin me right round, baby, right round, like a record, baby, right round, round, round. Alors, je vais vous parler d'une personne, là je ne pense pas que vous le connaissez, c'est Juan Gabriel, ça vous parle? Juan Gabriel. Si. Quand j'ai écouté ça au départ, je me suis dit ça va être un peu ringard, et en fait, il est plus connu que Johnny Hallyday en France. Il a une voix formidable, j'aime un peu chanter, une voix capable de prendre des tonalités de Freddie Mercury, comme celle de Pavarotti, il fait les deux. Ah d'accord. C'est-à-dire, quand il en a marre de Mercury, il monte en Pavarotti, il revient en Mercury. C'est un ovni, il est décédé le 28 août 2016. Ça a déclenché un déluge d'hommages à travers le pays. Le président américain Barack Obama a salué sa mémoire. Enfin, on n'en a jamais entendu parler. Voilà. Surnommé par ses fans El Divo, l'artiste a succombé d'une crise cardiaque en Californie. Le surlendemain d'un petit concert sympathique, un tout petit de 37 000 personnes. Voilà, donc pour vous faire écouter un peu sa voix, j'ai essayé de blender ça. C'est un ovni, mec. Hein. C'est un ovni. Ouais, bon, on s'écoute Juan ça. Juan Gabriel. Te conocí. Vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debía amar. Voilà, oui, version, je disais, un petit peu mexicaine. Donc il s'appelle Juan Gomez. Ouais, enfin, Juan Gabriel. Juan Gabriel. Tapé par Juan, tapé Juan Gabriel, et il y a pas mal de choses. Un drame aussi, c'est Christina Grimmi, ancienne candidate du télécrochet The Voice aux États-Unis. Vous avez entendu parler de cette jeune Ça, oui, j'en ai entendu parler, voilà. Mais par contre, je ne la connais pas du tout. Bah, qui a eu un Grimmy Award, d'ailleurs. Elle est en train de signer des autographes à la sortie d'un concert. Elle a été abattue par un homme armé. Donc, ah bon absolument. Ah, dramatique. C'est un peu comme Amy Winehouse. C'était qu'elle avait 22 ans, mais elle avait été dans The Voice, un ovni aussi. Elle était Amy Winehouse avait 27 ans, par contre, oui. Quand oui, elle oui, est blessée. Ouais, ouais. Elle s'est fait, voilà... une grande voix qui est descendue trop vite alors qu'elle venait d'être reconnue et puis en un an elle s'est fait déjà un succès tout ça et elle chantait en fait comme ça notre amie Christina et c'est un petit hommage pour elle. Je vous parle aussi, c'est de Hubert Mounier. Ah oui, bah oui. Le leader de l'affaire Louis Trio. Oui, Chic Planète. Parce que je vous rappelle, c'est tous ceux qui sont décédés en 2016. C'est quand on en a entendu trop parler. Donc, après avoir sorti 6 albums avec son groupe et connu le succès dans les années 80, le musicien s'est lancé en solo et il est décédé à l'âge de 53 ans. Un petit extrait de Hubert Mounier. Pourtant, je me démène, je n'accepte pas les chagrins et la peine pour si peu de joie. DJ Bonaventure. Ça me parle. Denia. Mm-hmm. DJ oui. Bonaventure, Denia. Di Pepito. Denia, du groupe Enya. Était le choriste et batteur, mais surtout le chef d'orchestre depuis 16 ans du groupe Magic System. Et Ah oui, exact, ouais. Et entre nous, Magic System ne fait plus rien depuis lui, parce que c'est compliqué pour eux. C'était vraiment un mec qui avait du talent. Âgé de 46 ans, artiste est décédé le dimanche 1er mai par noyade sur la petite ville en fait balnéaire de Jacquesville, et ça sonnait comme ça. Au final, c'est Mamadou qui fait tout, quoi. Vous avez aussi Maurice White, ça vous parle ? Le frère à Barry. Earth, Wind and Fire. Ah c'était oui. C'était le fondateur du groupe qui est mort à l'âge de 61 ans le 3 février 2016. C'est aussi en 2016. C'est quand même un autre musicien légendaire. Boogie Wonderland, Shining Star, Let's Groove. Le groupe s'est rendu très très populaire dans les années 1980. Et en 2015 encore, dans cette tournée commune avec Kool and the Gang, avait été organisé en fait un passage en France et il en est décédé. Never knew that what was wrong, oh baby, wasn't right. We tried to find what we had, till the sadness was all we shared. Aussi maintenant de Colin Verncombe alias Black, ça vous parle ? Oui, oui. Wonderful Life. Wonderful Life. En 88, est-ce que vous saviez qu'il était décédé ? Oui. Ah ouais. Ouais. Oui. Donc après de quoi ? Moi je sais, c'est un accident de voiture. Voilà. Ah d'accord. Oui, si, ils en avaient parlé tout de même. Donc voilà. Ouais, je veux dire par rapport à toutes les grandes stars. C'est vrai. Sinon, on en a moins parlé. Le dernier album, en fait, c'était Blind Fate qui était sorti en 2015, mais on le connaît surtout avec ça. Otis Clay, non. Donc un groupe aussi, j'imagine. Légende. Non, c'est vraiment une. C'est Otis Clay, légende de la musique soul américaine, né dans le Mississippi en 1942. C'était notamment rendu célèbre avec son titre "That's How It's Your In Your Love". Et en anglais, ça donne quoi? Je t'emmerde. Tu t'es déjà pris une droite néerlandaise? Attends, mais justement. Ah, vas-y. À la bibliothèque de Moucron, il y a une formation d'anglais. Non, il a vraiment fait des titres assez spectaculaires, dont celui-ci que je viens de vous traduire en japonais, avec un collaborateur qui s'appelle Billy Price. Ça vous parle? Non. Moi non plus. Donc, je connaissais Vincent Price, mais ouais. C'est peut-être son cousin. Hein. Peut-être, ouais. Qui sait. Des fois, on est surpris. Hein. Et ça sonnait comme ça. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une légende de la musique soul américaine. Vous doutez bien que dans la chronique, j'ai pris plein d'éléments, mais je ne peux pas traiter de tous. Voilà, mais il est mort. D'accord. If we should be evicted from our home, we'd have to move somewhere else and still carry on. Hey, hey, you and me, baby. I don't love. Et je terminerai par un français. Là, t'as plus de son, c'est fini. Hein. Mais j'ai pas envie, je vais chanter pour lui. Ah, et d'accord. C'est vrai, il n'y a plus de. Ouais, plus bah de... oui. D'accord, donc je terminerai là-dessus sans son. Donc Véronique. Véronique. Elle est décidée. Donc, non, je terminerai en n'oubliant pas simplement Monsieur Michel Delpech qui s'était arrêté le 2 janvier 2016, voilà, à l'âge de 69 ans. Puisqu'il nous avait dit, et moi j'y tiens aux traditions françaises, que Marianne était jolie, bah souhaitons avec tous les événements en ce moment qu'elle le reste. Ouf, ça ce sera, on en reparlera au mois de mai. Ça ne jette pas c'est autre un voile chose sur la réalité. Et dans les années 80, voilà. Dans les années 80, il avait fait ça. C'était Loin d'ici. Ah oui, wow, j'adore. Fille. Sur ce mot de la fin, sur Marianne. Un peu le carnet noir, mais bon, il fallait en parler parce qu'effectivement, 2016 a été une véritable hécatombe. Ouais, hécatombe. Ah oui. Après, je pense que tous les ans aussi, c'est l'hécatombe. Mais, non, mais c'est pas seulement parle 2016, un peu plus, je crois, avec les réseaux sociaux, on parle plus des morts et ce genre de choses. J'ai ma petite âme d'artiste rien, où je me dis, il y a plein de gens qui sont connus. T'en as d'autres qui ont beaucoup de talent, qui ont une actualité formidable, qui ont 40 ans de carrière, qui ont fait des choses monstrueuses, et c'est vrai qu'on en parle moins. Ouais. Je discutais avec des gens hors studio, je parlais de Dani Rossi, et sans là être péjoratif vis-à-vis d'elle, mais c'est pareil, c'est une femme qui a un talent extraordinaire, qui a fait toute sa vie, mille fois peut-être plus que des stars qu'on connaît actuellement. C'est vrai. Et c'est vrai qu'en fait, elles sont un peu plus dans l'ombre, et un jour, elle te dit, ben voilà, je veux bien parler avec toi, voilà ce que j'ai fait. Tu fais, ouh, putain, c'est quoi, t'étais avec lui, t'as fait ça. T'as et tu me fais penser à une chose, Kadon, j'ai pensé à toi cette semaine. Oh. Ouais, ouais. Mais je pense à toi souvent, hein. Ah. Mais plus particulièrement puisque j'ai revu un peu la bio de Bronski Beat. Oui. Donc évidemment il y avait Monsieur Bronski. Oui. Qui avait créé le groupe Bronski Beat. Oui. Tu sais ce qu'il est devenu? Non. Prêtre, tu le savais? Non, c'est surprenant. Et ben voilà. C'est surprenant. Enfin, voilà. Et monsieur Beat, il est devenu quoi, lui? Bon. Pour Marc Aurèle, je n'ai rien dit. Hein. Je n'ai pas sorti. Et tu crois qu'il y a encore de la place pour la formation écriture de l'humour? Et moi, j'ai envie, franchement, pour rendre hommage à la fois à la chronique de Canon et aussi à Michel Delpech, peut-être de se réécouter Loin d'ici. Bon, je ne sais pas si c'est années 80, je pense qu'on est plus années 70. Ouais, 70. Mais ce serait, ça vous ferait peut-être plaisir, cher ami auditeur et auditrice. Bah, Loin d'ici, c'est 80, c'est 84 exactement. Ah bon, alors allons-y, qu'est-ce que t'en penses? On peut le mettre dans la programmation. Et après, une personne qui n'est pas décédée, mais je pense que Harry aimerait bien, en fait, c'est Madonna, avec Express Yourself. Non, pas à ce point-là, quand même. Non, mais j'aimerais bien qu'elle arrête de chanter, c'est tout. Voilà, c'est bien. Que sa carrière... décède, voilà. Non, mais quoi, qu'en même temps, ça fait longtemps qu'elle a arrêté de chanter en direct. Mais cela dit, pour les extraits musicaux qu'on a pu entendre, auparavant, on est bien d'accord, tous ces gens sont, jusqu'à présent, sont bien décédés. Hein. Ah, ils sont tous décédés. Maintenant, c'est confirmé. Hein, donc... Ah oui, ils sont tous décédés. Ouais. Allez, bah écoute, on s'écoute ça. Donc, Michel Delpech avec Loin d'ici et Madonna avec Express Yourself. Allez, à tout de suite. Sans bruit dans mon rétro, 6h30, le temps est pourri, je mets la radio, j'entends plus le moteur, j'entends plus que mon cœur de taxi driver, elle part. J'ai pris le périph', changé de tarif, machinalement. J'ai la tête ailleurs, j'suis un peu trop rêveur pour un taxi driver. Elle part. Bonjour, c'est Sabine Paturet et vous êtes sur RQC et c'est 80 à l'heure. Moi, je veux que tu t'occupes de moi 24 heures sur 23. Je te veux tout bien. On aimerait bien l'avoir dans l'émission prochainement, d'en parler. Ah bah elle serait pas contre, elle serait pas contre du tout. C'est super sympa. Bien sûr, bon bah elle sera pas contre le jour où elle sera dans la région, bien évidemment. Il faut savoir qu'en ce moment elle tourne avec, alors c'est un trio ou alors un quatuor. Avec donc Enzo, avec Caroline Loeb et alors attention, c'est celle que j'aime moi, mais comment elle s'appelle elle déjà C'est pas Desireless à un moment. Pas, tu l'aimes pas. Ah, il y a Desireless, donc il y en a une quatrième. Donc il y a Desireless, Sabine Paturel, Caroline Loeb et Enzo et évidemment son nom je ne me reviens pas, mais voilà, c'était plus de la télé-réalité. Karen Cheryl. Non, elle a chanté, je crois qu'elle a dû chanter un ou deux chants. Oui, si. Si, on s'est bien moqué d'elle il y a quelques années, et elle revient en devant de scène, elle a fait un peu de théâtre aussi, ça me reviendra, mais d'accord. Je ne me souviens plus. Je vois pas qui. Sincèrement, non, je suis en train de me remémorer. Enfin, bon, et le spectacle s'appelle Les Drôles de Dames. Voilà, ouais. Ils ont commencé dans le Nord d'ailleurs, je crois que c'était à Lambersart où ils ont démarré, et ils continuent à tourner. Vous pouvez aussi retrouver évidemment Sabine Paturel dans la tournée Top 50. Puisqu'ils sont toujours en tournée, je pense qu'ils vont même revenir sur Lille, tourner en top 50. Donc n'hésitez surtout pas si vous aimez tous les vieux succès des années 80, comme les Négresses Vertes, comme les Avions, comme Sabine Paturel, comme Caroline Loeb, comme plein d'autres artistes, puisqu'à chaque fois la distribution est un peu différente. Renseignez-vous, vous tapez tournée top 50. Voilà. Ça tournait. J'essaye de trouver, je n'arrive pas à trouver. J'essaie d'accord. de trouver les archives des années 80, mais je suis sur Drôle de Dame, donc. Ah ouais, d'accord. Voilà, mais voilà. Ça me reviendra. Et quand je vous dirai son nom, vous allez dire ah ben oui, évidemment. On va y trouver. Évidemment. Donc voilà. Nous, de notre côté, effectivement, donc la semaine prochaine, normalement, en principe, on devrait recevoir donc Alain Val. Pour la sortie donc de son dernier album, mais le problème c'est que si techniquement avec nos casques on a des soucis, on risque peut-être, je pense, de décaler le rendez-vous, mais bon. Evangélie, vous rappelez Evangélie. Ouais, et Anaka, Anaka également. Hein? Anaka, donc ça change un peu de temps en temps. Ouais. Voilà, effectivement, donc la distribution a changé. Donc maintenant, il y a toujours Enzo. Oui, alors Enzo, Caroline Loeb, Evangélie et Anaka. D'accord, Enzo, vous vous rappelez? Oui. Elle a chanté? Juste quelqu'un de bien. Caroline Loeb? Elle a chanté aussi. C'est la Watt qu'elle préfère. Évidemment, qui gagne, mais alors qui gagne de l'or en barre grâce à la pub pour une assurance. Pour une assurance, elle nous l'a dit carrément qu'elle a gagné beaucoup d'argent là-dessus, qu'elle était bien contente d'ailleurs. Et ensuite, elle, bon, Evangélie, alors trouvez-moi l'un des titres de chansons de Evangélie. Donne-moi un peu de toi, je connais pas les paroles. Ça s'appelait Avant de partir. Alors le titre s'appelait Avant de partir. Ah bon, ouais, je me rappelle plus du tout. Honnêtement, je sais pas si vous, chers amis auditeurs, auditrices, vous vous rappelez d'Evangélie, balancez-nous quelques-uns de ces titres parce que franchement, je me souviens pas du tout. Moi, je me souviens en fait plus de la. De la plastique. Oui, bah bien sûr, évidemment. Et Lenaka, c'est ça? Non, Anaka. Anaka, alors. Là, je ne sais pas du tout par contre. Anaka, arrêtez de chanter. Puis... Non, mais c'est certainement des gens qui ont quand même une belle actualité, je pense. Et voilà. Il y a aussi autre chose, tiens, dont je voulais vous parler. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il a fait beaucoup de publicité. Mary, ça vous parle ou pas? Mary. M-E-2-R-I. Oui, le comique? Oui. Oui. Est-ce qu'il a fait la messe? Absolument. Oh, terrible. Alors, vous connaissez ou pas? Non. Alors Mary est actuellement sur Lille, à la Comédie de Lille. Oui, alors c'est quelqu'un qui fait des grandes salles sur Paris, absolument, qui fait des grandes salles sur Paris. Il fait deux spectacles actuellement. Il y en a un qui s'appelle Les Conjoints en deux mots. Donc les conjoints en deux mots, M-O-U-X. C'est, loin, ça c'est un mec mais complètement délirant. Si vous ne connaissez pas encore, alors là en ce moment il lance une chaîne YouTube où vous avez des clips. Mais alors, mais le meilleur sketch, énorme. Ça reste la messe. Il y a la messe évidemment, mais après il fait des petits buzz là. Dernièrement c'était Carglax, celui. C'est un vrai faux. Et il y a effectivement un sketch qui bat la messe, qui est extrêmement comique. Même au gamin de 10 ans dehors. Ah ouais, mais franchement, c'est excellent. Il tourne actuellement la Comédie de Lille. Je vous invite fortement à prendre des informations, malgré les souvenirs que j'ai de la Comédie de Lille, n'est-ce pas? Ne serait-ce que pour aller voir Mary, ça vaut vraiment le coup. Il y a également Jamel Debbouze qui passe à la Comédie de Lille. Alors, vous aimez Jamel Debbouze, ça peut être intéressant, puisqu'effectivement, c'est quand même une petite salle intimiste, hein, c'est 150 personnes au bas mot, donc je pense que le spectacle, vous pouvez le voir de près comme de loin. Donc voilà, et c'est des prix tout à fait abordables, donc c'est à la Comédie de Lille, rue Solferino, si je ne m'abuse. Oui, c'est bien ça. Voilà. Rue Solferino. Et si vous faites quelques mètres, pas très loin, du côté du vieux Lille, vous avez maintenant le lâcher prise, où vous avez un DJ résident qui. T'as été ? Non, qui le 26 janvier, en fait, je suis dessus, va lancer un concept. Absolument. Fait. Donc, c'est notre ami Stéphane, le DJ, qui anime tous les premiers mardis du mois le. DefiMix 80 chez nous. DefiMix 80 chez nous, et donc, c'est un mec qui tient bien la route, et puis effectivement, là, c'est le lâcher prise, donc c'est chez le fantôme, ça vous parle, donc c'est le principe, etc. Et là, c'est le 26 janvier. C'est le 26 janvier. Si vous avez raté les deux premières émissions parce que vous y étiez, vous voulez encore y aller, et ben c'est un apéro chic dans un 4 branché. Et puis il y a de la très très bonne musique style house, deep house. Hein, donc ça bouge quand même, c'est groove. Il me disait c'est de la techno, mais on est plutôt lounge. Hein, c'est pas un truc à marteler, à éclater tout ça, mais ça bouge bien. Donc voilà, c'est lui qui mixe. On vous conseille d'arriver tôt parce que c'est qui mixte. Excuse-moi. Le conseil, c'est arriver tôt parce que c'est vraiment blindé. Il paraît. Lâcher prise. Voilà. Voilà, absolument. Donc, vous avez l'actu de toute façon sur la page 80 à l'heure. Vous pouvez retrouver dessus. Vous allez voir Aperomix chez le Fantôme, 3e édition, faite par Stéphane. C'est sur notre page que vous pouvez rejoindre. On attend toujours vos commentaires. J'ai bien noté aussi, merci d'Aurélie Daes, celui qui a parlé. Ça devait être moi. Qu'on dirait que je parle dans un aquarium. On a des petits soucis techniques aujourd'hui, on a des petits problèmes avec les casques et tout ça, donc on ne s'entend pas. Je suis désolé de te faire la voix de Nemo. Mais c'est vache, hein, c'est pas parce que c'est un ton qui vient, parle dans un aquarium. Elle vient de dire. Voilà, je fais la voix de Nemo. Il y a une demi-heure, elle a dit maintenant il fait très loin. Il fait très très loin. Donc c'est pour ça que j'ai augmenté un peu ton micro pour dire que. Je faisais Nemo maintenant. En tout cas, maintenant c'est à la de loin. Merci, merci. Voilà. Alors là, il nous a fait de l'humour. Merde. Une tournée générale pour Philippe 4. Une TG. Voilà. Et attention, on a dit ça il y a un quart d'heure. Ouais, ouais. Et là, je avait promis qu'il nous ferait pas d'humour pendant l'émission. Non, mais je fais pas d'humour. Si c'était de l'humour merdique, c'était deux tournées. Ah oui. Deux tournées, voilà. C'est que le début, hein. Ouais, ok. C'est pas fini, les gars. On te taquine, évidemment. On te taquine, Philippe 4. Mais. Bah écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause musicale. Ouais. Pour aller se désaltérer sur le compte de Flipkat. Ah bah ouais, c'est clair, tu peux faire une pause d'une demi-heure, hein, parce que là, du coup, la tournée générale... Donc, avec Stevie Wonder et Master Blaster... Ah tiens, reggae, ça fait longtemps, j'ai passé du reggae quand même. C'est vrai. C'est quand même à l'origine du reggae, hein, Master Blaster. Ouais, si, ça a des connotations reggae. Alors, complètement. Voilà. Et ensuite, avec Niagara, pendant que les champs brûlent, parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Muriel. Ah, Muriel. Muriel Moreno. Muriel qu'on embrasse, d'ailleurs. Ah, ouais. Muriel qui est devenue DJ. Ouais. Ouais. Et rappelez-moi avant ou après la chronique de Flip 4 de vous parler de Miss Moucron 2017 qui va nous rejoindre dans quelques temps. Ça marche. Et justement, je voulais rebondir, tu avais parlé de Mary. Tu sais qu'il a un groupe de nanas qui tourne avec lui. Ah bon ? Oui. Les Christmas. D'accord. Voilà. C'est pour continuer la pour voilà. Voilà. Bah ouais, de toute façon, maintenant il est grillé. Donc, ouais, alors là, c'est le resto. Hein. Super. Prochaine, c'est le resto. Hein. Bon, allez, c'est parti, on s'écoute à tout de suite. Allez, à tout de suite. Et oui, donc c'était Niagara avec Pendant que les champs brûlent. Vous êtes toujours dans l'émission 80 à l'heure. Bon, avec un petit peu de difficulté cette semaine parce qu'on n'a pas de retour. Donc on s'entend dans le studio, mais ouais. On sait pas ce que ça donne à l'antenne. C'est donc, un peu compliqué. C'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est un peu compliqué. On a l'impression que c'est une émission plate, malheureusement. Mais non, elle n'est pas plate l'émission. Mais pas du tout. Bah, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a moins de rythme. C'est une impression. Ouais, c'est peut-être ça. Hein. Non. Mais donc voilà. Et puis ouais bah c'est toujours qu'est-ce que je disais, toujours 80 à l'heure, toujours RQC, ouais, 95 FM toujours, voilà. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et au passage on a un petit message de Valérie Storm qui nous envoie un petit message en disant qu'elle nous écoute de loin, je crois. Ouais. C'est ce qu'elle a dit. Donc je sais pas si elle est en vacances ou peut-être si, si elle est en vacances qu'elle nous dit où elle est. Tiens justement, ce serait sympa. Ah ouais. Ce serait sympa. Ouais, qu'elle nous donne un petit peu de soleil, quoi. Ouais, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas vu du tout. Enfin, ceci dit, c'est plutôt la période des vacances de ski, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Pour faire du ski. Il y a du soleil à la montagne, hein, quand même. Oui, si. Oui, là où il n'y a pas de pollution. Parce qu'aujourd'hui, c'était un peu compliqué. Franchement, j'ai pas vu un rayon de soleil du tout de la journée. Ah ouais, non, du tout. Non. Bah, brouillard, surtout. Hein. Bah ouais, c'est ça. Même en ville, hein. Ce matin, c'était bien dense. Je suis parti de bonne heure. Je traversais la grande rue, sur Roubaix. Et très franchement, alors ce que j'ai pas trop bien compris, c'est que pour moi, l'éclairage était en fonction de la luminosité. L'éclairage était déjà éteint, donc il faisait encore relativement noir. Il était entre 8h et 8h. Et franchement, que le brouillard, ça, ah, c'est terrible, fallait être hyper vigilant, quoi. Bien sûr, absolument. Mais encore maintenant, je pense. Hein. Enfin, maintenant, je ne sais pas ce que ça donnait, mais j'ai arrivant, pas l'impression qu'il est vraiment tombé. Alors, ça y est, on devrait faire une chronique météo. Pas moi. J'en ai marre. Bon, je peux pas tout faire non plus. Il est passé de, il est 21h passé de 3 ah minutes. Ah oui, exact. Et, ouais, c'est le moment de Rétro Ciné 80. Allez. Nom de Zeus, Harry. Montons vite dans la DeLorean. Et partons vite en 1989. C'est de pire en pire. Ça fait Pierre Belmar en fait. En fait, on passe très très bien au niveau des voix ici. C'est vrai. Sauf Charlot qui est un peu fort. Qui est un petit peu fort au niveau voix. C'est vrai. Voilà, ça passe très bien les voix. D'accord, bon, je baisse un peu le mien alors. Éclaté, mais et je sais pas le mien, mais la tienne ouais. est très très bien. Surtout, surtout quand tu dis 1989. Ouais, et en se rapprochant du micro. D'accord. Menton dans la DeLorean, c'est ce que les Bogdanov disaient d'ailleurs. Hein. C'est cela, ouais. Il se rattrape maintenant. Troisième tournée, allez hop là. Allez. Donc oui, effectivement, je vais vous parler d'un film des années 80, et plus précisément de l'année 1989. Il est sorti le 25 octobre 1989, et comme dirait Onissa, c'était un mercredi. Oui, et d'ailleurs, on la salue au passage, Onissa, qui n'est pas avec nous pour des raisons Onissa, qu'on professionnelles. Embrasse, hein. Voilà, on l'embrasse très fort, sur le bout du nez. Voilà. Alors donc, j'ai pas dit bout du néné, hein. Bout du néné. Ça n'engage que toi. Bah, d'ailleurs, on ne saurait. On saurait... Troublé, là, Sherlock. Non, non, non. J'allais sortir une autre connerie. Ah, j'allais dire, d'ailleurs, on ne saurait à quel saint se vouer. Ouais, ça t'étonne, ouais, c'est ça. Ouais. Bon allez, où en était-on? Oui. Alors, je vais dire, je vais donner les entrées du box-office en France, mais je n'ai que les chiffres pour Paris. Ah, d'accord. Il n'est sorti que 2 semaines sur Paris. Ouais. Et il a fait 51 495 entrées. Oula, c'est un film qui a marché ou pas? Je peux pas vraiment dire. Je connaissais le nom du film. Ah, c'est pour ça? Ouais, je connaissais le nom du film. Mais alors, pour vous dire si le film a vraiment marché, Flip 4 pourrait peut-être nous le dire. Ah. Alors, est-ce que le film a vraiment marché? Ouais. Je m'abstiendrai de donner de balancer trop rapidement la réponse. D'accord. Ah, mais je vois lequel c'est. Ouais, ça y est. Mais est-ce que ça a un rapport avec un groupe de rock? Un groupe de rock, non. Enfin, plutôt une génération rock, machin, non. Non, tu pensais à quoi? Spinal Tap? Non, les Commitments. Ah non, ah, c'est 90 les Commitments. Ah d'accord. Parce que j'ai adoré ce film aussi. Mustang Sally. Le son. C'est 90 les. Ah ouais. Et tiens, prends ça dans ta gueule. Donc, ta gueule. Allez, vas-y, on voit la purée. Attends, alors là, tu me fais un personnage du Bébé de Show. Il y avait également Krasuki qui est décédé aujourd'hui. Aujourd'hui enfin, en 2003. Ah. Mais aujourd'hui. Ah d'accord. Il est décédé le 24 janvier. Ah d'accord. D'accord. Okay. Voilà. La marionnette ou Krasuki? Non, Krasuki le vrai. La marionnette est décédée en même temps que lui, je pense. Ah merde. Même avant. Forcément. Ouais, largement. Alors je vais vous passer le premier titre. C'est un titre des Marquise et ça s'appelle Last Night. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais faut nous donner un indice hein, si tu donnes la réponse tout de suite. Oui, non, mais c'est pas. Est-ce qu'ils ont des lunettes noires? Non. À quoi tu pensais? Alors, non, c'est pas ça. Grand dégueulasse. Il faut savoir que le film a quand même eu une nomination au Festival de Deauville. Ah ouais. Le Festival de Deauville, c'est film le festival américain. Voilà. Déjà. Mmh. Donc ça donne un petit indice. D'accord. Est-ce que c'est en rapport avec justement, parce que cette chanson-là, quand même, c'est plus des années 60. Est-ce que c'est en rapport avec. Est-ce que le film se déroule dans les années 60? Fin 50. Fin des années 50. Il y a une histoire d'avion là-dedans. Une histoire d'avion. Qui s'est crashé. Non. C'est pas 89, le film. C'est pas Titanic. Il est de 89, ouais. D'accord. Il y a deux frangins là-dedans? Non. Bon, non, parce parmi les perchistes, il y a pas non, mais je cherche un petit peu parce que c'est ce qui m'est venu à l'esprit. C'est pas un avion qui s'est crashé. Merde, c'est pas non, c'est pas un avion qui s'est crashé. Moi, j'ai une autre question. Vas-y. Est-ce qu'il y a eu un remake? Je pense pas, non. Non, ok. Bon, tu penses à quoi? Gatsby le Magnifique. Ouais. Non, c'est Gatsby pas ça. Ouais. Alors, on va écouter le deuxième extrait. C'est également une chanson, c'est Booker T. Lowry avec Big Legged Woman. Alors, je sèche. Ah, je suis content. Ouais. Mais à mon avis, je te dis, Flip 4 va le trouver. Et à mon avis, va le trouver avec l'extrait qui va suivre. Alors, pour donner un autre petit indice, c'est Jim McBride qui a fait le film. Ça vous dit rien du tout? Non. Eh ben, on écoute cet extrait de dialogue, alors. Ça va être... Allez, c'est parti. Où est-ce qu'on va? Je veux que tu regardes, il y a une petite surprise dans la boîte à gants. Allez, voilà. C'est une licence de mariage. Je croyais qu'il fallait dire des choses devant un monsieur. Oh, ben oui, il suffit pas, ce papier-là. Alors, on n'est pas encore mariés? Pas encore, mais ce serait mon bonheur. Mira, tu veux m'épouser? Moi? Je t'aime. Oh, Jerry. Ah, Jerry, j'ai seulement 13 ans, c'est tout. Ah, oh, et alors, ma sœur Frankie Jean avait à peine 12 ans quand elle s'est mariée. Alors, c'est un road movie. Hey. C'est pas un road movie, non. Un film de pédophile. Mais enfin, Henry, c'est pas marié. C'est une sorte de bio. Oui. Le mec vit toujours aujourd'hui. Oui. Il enregistre un album entre autres. Les Stones. Oui. Oui, j'ai trouvé. Voilà, tu vois. Attends, répète l'indice parce que ça m'intéresse. Le mec vit toujours. Il a d'ailleurs sorti un album il y a quelques années, en 2005, qui disait en français « Je suis le dernier debout ». Et c'est il a fait une photo qu'ils appellent de Million Quartet Dollar. Oui. D'accord. Exactement. Et donc, c'est un acteur? Non. Non. Il est chanteur à l'origine? Non, non. Là, en fait, c'est un biopic. Le film, c'est un biopic sur une certaine partie de sa vie. Ah, mais bien sûr. C'est quatre mecs qui ont enregistré dans la même maison de disques. Et au final, c'est celui qui a encore... Est-ce que c'est lui qui devait passer dans le Pas-de-Calais il y a 2 ou 3 ans? Exactement. Et qui a annulé, exactement. Alors, ah ouais. Bettine rétro, c'est ça, hein? Oui. Oui, bah, je vois quoi maintenant. Alors, okay. je vais vous passer un autre extrait. Alors, ce coup-ci, c'est un... Question de un extrait, donc, hein. De cette personne dont on parle. Oui. Qui est en gros la première chanson qui l'a fait connaître du grand public aux États-Unis. Écoutez bien, c'est... celle-ci. Alors le mec, alors, est-ce que ça vous dit quelque chose maintenant ? Oui, tout à fait, complètement. Ah oui. Il a fait scandale. Oui. Enfin, allez, je vais tout balancer là. Si, mais ça tu peux le dire parce que. Il a fait scandale, il était banni des shows en Angleterre, à l'époque où Eddie Cochran jouait et Jean Vincent, parce qu'il était marié avec sa cousine. C'est ça, ouais. Sa cousine Mira. Mira. Mais c'est terrible ça. Elle est nommée, de toute façon, il la mentionne dans le film. Oui, oui, bah dans l'extrait que j'ai passé, on entendait qu'il l'appelait Mira et elle l'appelait donc. Elle l'appelait Jerry. Jerry, tout à fait. Pour donner le prénom. Donc Jerry Lee Lewis. Alors, oui, exact. Jerry Lee Lewis. Et donc, qu'on a entendu, c'est Whole Lotta Shaking Going On. C'est ça, Whole Lotta Shaking. Et donc, la dernière chanson que je vais vous passer, c'est, on va dire, la plus connue. Bah oui, bien sûr. La plus connue, et c'est donc... Les Crosses Roubignoles de Feu. C'est vraiment ça que ça veut dire ? Non, mais ça a été traduit à l'époque dans les chroniques, notamment Best ou Rock and Folk. Ouais. Ça avait été... je pense que c'est, comment il s'appelle, notre ami Philippe Manœuvre qui avait titré ça en faisant son article, en titrant ça, Les Corses Roubignoles de Feu. Ouais. Salut, c'est Philippe Manœuvre. C'est ce que, ouais, ça t'a envoyé. Si, quoi. C'est grosso modo, sur le traduit, ce serait pas totalement faux. C'est l'effet de l'enfer. Ouais. Et donc, le titre de cette chanson, c'est le titre du film, et c'est donc... Creed's Ball of Fire. You shake my nerves and you rattle my brain. Much your love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and you blew me, honey. I changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses the baby, feels good. Hold me, baby. Love you like I love the shit. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. Et c'est sorti en 89, tiens. Oui. Ah ouais. Mais ça, c'est sorti en 89. Alors, incarné par Denis Scrooge. Gros, l'histoire se passe à Memphis en 56. Le pianiste et chanteur Jerry Lee Lewis, alors âgé de 21 ans seulement, enregistre un premier disque sous la houlette du producteur Sam Phillips, celui-là même qui lança Elvis Presley. D'accord. Le succès est immédiat, mais la vie de l'Américain bascule lorsqu'il se marie avec sa cousine âgée de 13 ans, donc Mira. Leur union fait scandale, mais Jerry Lee Lewis surmonte cette épreuve grâce à ce qui l'a toujours accompagné depuis ses débuts, le rock'n'roll. Voilà un petit peu le pitch du film, parce que enfin, c'est un biopic, quoi, mais sur une certaine partie de sa vie. Donc, c'est autorisé de fricoter avec une à 13 ans, là ? Bah, apparemment, oui. Aux États-Unis à cette époque-là, ouais. Mais il était en Angleterre, forcément, ça tolé, pas ça possible. Très mal passé, il a été tout simplement banni. Non, mais donc si j'entends bien, si je comprends bien, il s'est marié avec une meuf de 13 ans. Mm-hmm. Ouais. Voilà. Et donc, je sais pas, moi, au banquet, il y avait quoi, des fraises tagada, de l'oasis et. Bah, à l'époque, je sais pas, non. et tous les invités, putain, non, ça devait pas être triste, ce mariage. Alors, on voit le mariage, ça se passe dans une petite chapelle, ouais. Et il y a juste deux témoins qui ont été pris là, comme ça. Mais là, Canon, pour le coup, je le rejoins, parce que là, on parle de pédophilie, mais c'est de la pédophilie, carrément. Enfin, pas loin. Quand, surtout, encore de nos jours, je veux dire, on ferait ça aujourd'hui. Ça m'a parté, quelqu'un m'a dit une fois, ouais, mais parfois l'amour, je dis, je veux bien comprendre, dans ces cas-là, la personne, non, mais même s'il y a des différences, c'est le mec qui a 25, 28 ans, il attend pendant 3, 4 ans, que, tu vois ce que je veux dire. L'amour, c'est ça, mais là, c'est quand t'entends des âges comme ça avec une gamine de 13, à la limite, avec 8 ans et demi, on veut se dire, bah, il y a qu'un écart d'âge de 12 ans, ouais, bah, oui, t'as 20 ans. Ouais, non, mais surtout à l'époque, on était quand même à l'époque d'une Amérique, qui était très puritaine. Bah oui, justement. Mais de toute façon, c'était quelqu'un de très provocateur. Enfin là, c'est plus de la provocation. Donc, c'est chaud. Il avait été baptisé le killer parce que bon, il avait pour habitude de déglinguer ses pianos. Ah, oui, d'ailleurs, il a mis le feu sur un de ses pianos pendant un concert. Bah, il y avait un gars qui est mort maintenant, qui s'appelait Freddy Fingers Lee. Hein, il avait un œil crevé, il avait un patch sur son œil. Ouais. Et ce mec reprenait une bonne partie du répertoire de Jerry Lee. Et lui faisait pareil. Il avait pour habitude de foutre le feu à ses pianos. Le pire, c'est qu'il les finissait à la hache. Il les découpait complètement. C'est débile. Ouais, mais c'est comme ça. C'est un peu con. C'est un drôle de truc. Freddy Fingers Lee qui est décédé. Au moins, après, t'es sûr qu'il n'y a pas de rappel quoi, au concert. Ouais, il le faisait après le rappel peut-être. Et on va finir. En fait, il pouvait dire on va finir sur une dernière touche. C'est ça, ouais. Oui. C'est ça. Alors, j'ai réussi à trouver quelques petites anecdotes par rapport au film. Donc, le scénario du film est basé sur l'autobiographie de Mira Lewis, donc la femme de Jerry Lee Lewis, ouais. Dont le rôle est joué par Winona Ryder. Ah ouais. Oui. Et donc, Jerry Lee Lewis, c'était Dennis Quaid qui jouait. Donc, le livre a été publié aux États-Unis en octobre 82. Donc, le film est sorti 7 ans après. Les droits cinématographiques du livre, coécrit par Murray G. Silver Jr., ont été vendus pour la somme de $115,000. Plus tard, c'est Silver. Rien, hein. Ouais, c'est que dalle. Hein. Plus tard, Silver a déclaré avoir détesté le film, le qualifiant de bidon. Ah ouais, non, ouais. C'était très bien. Alors, Jerry Lee Lewis a également détesté le film. Il avait cependant réenregistré peu auparavant les chansons de Dennis Quaid interprète en faisant du lip sync, parce que dans le film il chante pas réellement, c'est vraiment Jerry Lee Lewis qu'on entend dans le film avec les chansons que lui-même avait réinterprétées juste avant le film. Parce que la star américaine, c'était pas les bandes studio, Non. Ah ouais, d'accord. Donc la star américaine qui a donné des leçons de piano à Dennis Quaid pour l'occasion avait notamment exigé d'interpréter lui-même les chansons du long métrage. Donc il s'était quand même investi, il a quand même trouvé le film merdique. Dennis Quaid, il a bien posé aussi avec Dennis Quaid. Ouais, bien sûr. Mais les royalties, à mon avis, il a pas trouvé merdique, à mon avis. Ouais, je pense. Enfin, je sais pas si ça a fonctionné finalement ce film ou pas. Il a pas mal tourné. Il a bien tourné, oui. Comme alors, au même titre que La Bamba, ça a eu son succès. Ah oui, d'accord. Enfin, surtout pour des gens comme nous à l'époque. Dans les années 80, on parlait beaucoup le retour du rockabilly, rock'n'roll. Ce sont des bios qui ont bien tourné, comme La Bamba, oui. Alors, qui est sorti d'ailleurs. Moi j'ai eu que les chiffres de Paris, il est sorti que 2 semaines sur Paris, donc c'était un peu compliqué. Parce que 51 000, si c'est sur Paris même, mais si c'est ce qu'on appelle le Grand Paris, c'est vrai, c'est rien du tout. Ouais. Non, ouais, ben, ouais. Bah, encore, il faut se placer à l'époque. Hein. Il y avait moins de personnes qui allaient au cinéma aussi. Sur la communauté, c'est 51 000, c'est pas énorme. Pas énorme, c'est clair. Après, maintenant, si c'est sur Paris, c'est vrai qu'on confond toujours. Si c'est vraiment Paris, c'est ça ce que je dis. Je sais pas, là je sais pas, il n'est pas noté. 150 000 habitants. Le petit. Je ne sais pas du tout. C'est vrai que ça paraît pas terrible les chiffres. 600 mètres carrés avec un habitant dedans de 80 ans. C'est pas à Sarcelles, hein. Alors, Dennis Quaid jouait du piano depuis 2 ans lorsqu'il a interprété le rôle de Jerry Lee Lewis. Le pianiste et chanteur Jason D. Williams a été engagé pour doubler Dennis Quaid dans les jeux de piano les plus compliqués. Et donc, à ce moment-là, forcément, on voit que ses mains. Évidemment. Parce que si on voit sa tête qui ne ressemble pas du tout, ça fait un peu con. C'est un peu con. Et Jimmy Swaggart, qui accompagna Jerry Lee Lewis à ses débuts dans La Folie du Rhythm and Blues, et qu'interprète Alec Baldwin. C'est Alec Baldwin qui joue son rôle, donc dans Great Balls of Fire, est devenu l'un des évangélistes les plus populaires de la télévision américaine, et il possède à son actif de très nombreux albums de gospel vendus à plus de 15 millions d'exemplaires. C'est pas rien quand même. Et donc le film a été tourné à Memphis, donc au Tennessee, ainsi qu'à Marion en Arkansas, et les scènes du film se déroulant au studio Sun Records, donc le fameux studio d'Elvis Presley notamment, ont été tournés dans les véritables studios de cette compagnie à Memphis. Ils existent toujours, hein. Benoît a enregistré encore, et j'ai un pote qui a enregistré pour ses 50 balais il y a 2 ans. Sun Records, c'est tel que c'était à l'époque, oui. Et il y a un son spécial aussi. Oui, il y a d'ailleurs les instruments, le micro show qui avait servi aux sessions quand Elvis avait enregistré à l'époque. 56. Bon, je mentionnais un album. Mais toi, tu l'as vu, toi, donc, le film. Oui. Alors, pas trop mal, parce qu'effectivement, dans les mimiques, tout ça, au niveau du jeu, je trouvais que, pour avoir vu des documentaires d'époque, les mimiques sont là, quoi. Franchement, ils s'en tirent bien. Et l'histoire par elle-même, elle était bien respectée. Canon, tu l'as vu ? Non. D'accord. Non. Il y a le passage avec Emma et la gamine de 13 ans dans la voiture, ça me parle, donc je vais peut-être... Mira. Ça me parle, j'ai l'impression de... Quand j'entendais avant, je me dis, mais j'ai l'impression de voir l'acteur en train de lui parler, mais après, vraiment, il y a tellement de films. Alors, il faut savoir une chose, c'est que Jerry Lee, aujourd'hui, à 86 ans, il tourne encore. Il tourne encore l'été dernier, hein, après être sorti d'opération, on est à sa 3e femme. Ouais. Et tout à l'heure, je mentionnais un album qui s'appelait The Last Man Standing, qui est sorti donc il y a quelques années, donc, qui avait été enregistré entre autres avec des musicaux comme les Rolling Stones. Et en fait, l'album s'appelle The Last Man Standing parce qu'en 81, il avait de gros problèmes avec la picole et des 4 mecs de chez Sun, à savoir sur la photo le Million Dollar Quartet, on a Elvis au piano et non pas Jerry. On a Johnny Cash, Elvis et Jerry Lee derrière. En train de regarder, et en fait sur la photo c'est le seul encore vivant aujourd'hui, c'est pour ça que l'album était intitulé The Last Man Standing, le dernier homme debout, parce qu'en 81 il avait de gros problèmes, il était vraiment au bord de la cirrhose et on lui donnait que quelques mois à vivre en fait. D'accord. On le déclarait déjà mort avant l'heure, quoi. Mais c'est pour la photo le King jouait du piano. Il jouait du piano, oui. Ah ouais, tu regardes le Million Dollar Quartet, c'est une seule photo dans la photo, mais et Jerry Lee qui est normalement pianiste n'est pas pour cette fois-là, pour la photo, au piano. Se tient debout avec Johnny Cash. Un peu comme Renaud avec Toujours Debout, quoi. Désolé, on reprend un peu le truc. Je reviens en devant de scène. Et puis. Et comme tu disais, donc effectivement, Jolly qui devait être au Béthune Retro 2013, qui a déclaré ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est Gail Lewis, en fait, qui est venu à la place. Eh ben écoute, ça me donne envie de le voir. Je l'ai pas vu, mais ça me donne bien envie. Ça de vaut voir. La peine. Ah bah, dès demain, vu la bamba, si tu oui. ouais. si tu regardes sur la page de l'émission 80 à l'heure ou sur la page Sherlock, tu pourras te délecter de ce film. Eh ben ça marche. Eh ben écoute, merci pour cette rétrospective. Effectivement, c'est Flip 4 qui remporte la manche. Eh oui. Mais je me doutais quand j'ai vu le film. Je me suis dit, ça c'est un film pour Flip 4. Je me suis dit, il n'en trouve jamais un, donc je vais en faire un pour lui. Il en trouve jamais un. Ce que j'ai toujours aimé dans cette émission, c'est qu'à un moment tu dis, c'est pas possible, le mec il est cool, il me fait un compliment. Ouais, c'est ça, ouais. T'as toujours la patte de baseball derrière, c'est ça. Non, ouais. Bah, pour une fois qu'il en trouve un. Entre parenthèses, il est tellement con que. On adorait ta chronique, putain, pour une fois qu'il y en a une. Il y a une fois, j'ai balancé involontairement parce que j'avais l'affiche qui m'a paru à l'esprit, et involontairement j'ai balancé le titre. Ouais. Mmh. Ouais, bon, c'est pas grave. C'était la fin. On arrive au dernier titre, donc c'était très bien. Donc là, je vous propose une petite coupure musicale avec Rockwell featuring Michael Jackson. Ouais. Alors là, ils le disent, featuring Michael Jackson. Non, ça c'est moi qui le dis. Ah d'accord, parce que normalement, c'est Rockwell, normalement. Ouais, ouais. C'est que Rockwell, il est pas crédité. Il n'a pas été crédité. Non. Michael Jackson n'est pas crédité. Il faut savoir que Michael Jackson à l'époque était avec les Jacksons. Oui. Il avait quitté la Motown et donc c'est là, c'est le fils de Berry Gordy qui chante. Rockwell, c'est un pseudo. C'est le fils de Berry Gordy, donc qui était le producteur de la Motown, qui chante et qui avait demandé amicalement à Michael Jackson s'il pouvait faire des voix derrière. En fait, tout le monde a retenu forcément la voix de Michael Jackson. Et il pouvait pas justement créditer Michael Jackson parce qu'il n'était pas de la maison de disques. Il n'était plus de la maison de disques. Mais t'imagines, semblant de rien, mais ce titre-là, t'enlèves les chœurs de Michael Jackson, ça n'a plus du tout la même saveur. Ah ouais, mais c'est clair. Je suis d'accord. Non, de toute façon, Jackson était quand même. Voilà. Bah alors, il y a qu'un seul frère qui est resté à la Motown après les Jackson. Jermaine. C'est Jermaine Jackson parce qu'il s'est marié, lui, avec la fille de Berry Gordy. D'accord. Qui s'appelle plus Jermaine d'ailleurs. Je crois qu'il s'appelle Mohamed maintenant, mais non, c'est vrai, d'accord, ouais, parce qu'il fait partie de la main je sais plus quoi. La main jaune avec Black et Mortimer. Non, je crois pas, ça doit pas être la même. Non, ça doit être la main noire, je crois. Être la main noire, donc et ensuite on reviendra juste après Simple Minds avec Someone Somewhere in Summertime. Ah, j'adore. Ah, c'est bon, ça. Allez, ah, oui. C'est parti. Who's watching me? Price. All I want is to be left alone. eyes can see. And some will, someone who can't see what I can see. Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez, 80 à l'heure, RQC, 95 FM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. John of Imagination, oui. Donc évidemment Lee John qui fait, alors il fait pas de tournée pour l'instant en France, mais on va le revoir à mon avis, parce qu'il a sorti un nouvel album il y a quelques années maintenant, mais il a sorti un nouvel album. Il tourne beaucoup outre-Atlantique, puisque c'est plutôt en Angleterre, mais on le retrouve souvent sur des plateaux années 80. Il est peut-être pas impossible d'ailleurs que sur Star 80 on puisse le voir. Ah ouais, pourquoi pas. Ce qui serait pas étonnant. Et alors, au final, est-ce que tu sais, tu parlais de son dernier album, est-ce que c'était de ce qu'il avait parlé, il s'était orienté sur du jazz, en fait. Oui, absolument. Et alors, j'ai oublié le titre de l'album, d'ailleurs. Soul, je pense, il y a Soul dedans, je me souviens plus exactement, où il y a que des titres jazz, jazzy, sauf un, où il reprend effectivement Just an Illusion, sur une autre version, quoi, donc voilà. Et je me souviens, oui, entre autres de ses projets également, puisqu'il s'occupait de cinéma. Oui, oui, oui, absolument. Il était vachement investi dans le. Ouais, je pense qu'il est. D'ailleurs, il prépare un film, mais après, on n'en sait pas plus. Ouais, peut-être un biopic. Peut-être un biopic, qui sait. Qui sait. Bah, d'ailleurs, on pourrait peut-être l'appeler. Hein, toi qui est complètement bilingue, tu l'appelles et puis tu lui demandes de ses nouvelles, et puis pourquoi pas. Tiens. J'en ai gardé un très bon souvenir. Franchement, c'est le gars qui m'a scotché. Parce que je dis qu'il y a Harry qui lui demande combien de doigts. Hein oui, Harry, il a toujours fait. Mais j'attends que la livre elle baisse. Bah oui, profitons parce que la livre elle remonte là maintenant. Ah, ouais, c'est vrai. Malgré le Brexit, c'est pour ça que j'ai peur de le revoir. À 25 la livre. Donc là pour l'instant t'es gagnant sur les. Sur les. T'avais demandé combien 100 livres 100. 100. À l'époque, 100 pounds, 100. Yes, of course. Ah, ouais, problème. Donc, à l'époque ça faisait au moins 150 boules. Ouais, tu m'étonnes. Hein, tu m'étonnes. Profites-en là, règle tes comptes. Là t'es à 135 euros je crois. Hein, pour 100 livres. Quand même. Ouais. Donc bon, on verra. Avant qu'il soit trop tard. Parce qu'il m'a demandé l'autre jour. C'est ça, Where is my fucking money? C'est ça. bah, j'écoute. Moi, je lui réponds gentiment. Écoute, lui, ça m'embête. Mais je dis, je vais transmettre le message. Donc, je te l'ai passé. Et bah, maintenant, on va avoir une fucking chronicle. avant la chronique, je t'interromps en 10 secondes. Vas-y, je t'en prie. Pour vous parler, c'est de Miss Moucron. Parce qu'on a reçu des candidates, etc. Et savoir que donc, le spectacle de Miss Moucron se passera le 8 avril au centre Marius Taquet. Oui. À partir de 19h. Donc, l'entrée est à 15 euros. Donc vous avez 16 candidates qui vont se présenter avec un beau spectacle qui s'appelle Notre Drame de Paris. Donc, ouais. Je reconnais bien Philippe et Marianne. Donc Notre Drame de Paris, ça va être assez sympa. J'aurai le plaisir aussi d'être sur scène. Tu fais Quasimodo ? Non, je peux pas dire, mais je serai pas sur scène qu'une fois. C'est-à-dire je vais être sur scène pendant le spectacle. Tu vas faire Phoebus. Tout ça, voilà. Tu vas faire Phoebus. En attendant. Non ? Ah, ou peut-être le prêtre. Ouais, non, le prêtre, je te vois bien faire le prêtre. Frollo. Beaucoup diraient que c'est pas ma vocation en général. Non, mais vous avez déjà vu quand même la comédie musicale. Oui, le prêtre, c'est celui qui a une des plus belles voix, quoi. Daniel Lavoie, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a repris. Derrière la voix et le personnage, je veux dire, c'est vrai qu'il incarne. Moi, j'ai toujours aimé ces gens qui sont beaucoup plus en train de tout ça. Et donc, c'est lui qui le fait encore, hein, d'ailleurs. Bien sûr, ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. Mais effectivement, Daniel Lavoie, c'est une voix. On recevra d'ailleurs. Monsieur et Madame Arduin qui passeront prochainement dans l'émission. Ils ont souhaité de pouvoir venir avec les candidates et justement parler du spectacle. Bien sûr. Donc elles viendront un peu avant, c'est-à-dire ça sera fin mars. Sauf erreur le 21 mars à voir avec l'équipe, mais j'aurais dit qu'on en parlerait aujourd'hui à l'antenne. Donc, ça sera avec un vrai plaisir. Ils nous parleront de ça va être assez sympa. Je peux pas rentrer dans les détails, mais voilà, je vais intervenir dedans vraiment en chant plusieurs fois pendant tout le spectacle. Et c'est vrai que c'est bien monté, c'est sympa. Il y a une relecture de Notre-Dame de Paris qui est assez sympathique. J'imagine. On se dit parfois, c'est fait comme ça, c'est plutôt pour les miss, le spectacle il est un peu écrit sur le coin d'une table. Non, c'est Laurent Arduin qui a écrit ça avec l'ensemble, Anne. Tous les Arduins, quoi. Ouais, c'est pas mal. c'est toujours une histoire de famille. Ça m'a fait rire Moucron. Tout en disant ça respecte le truc, mais ça part en sucette, mais c'est bien écrit. Donc je me marre beaucoup. Et puis, de belles chansons. Il y aura des trios, des duos, des solos. Le triolisme, j'adore ça, moi. Le triolisme. Moi aussi. Donc bon, on va dire ça. Une petite chose aussi, excuse-moi, je fais les annonces comme ça. Il y a aussi le 12 février, c'est le quartier du petit Courtrai que nous avions reçu et qui font une très très très belle animation au mois de septembre. Qui là en fait fait un thé dansant. Je suis le premier à dire thé dansant, ça fait thé dansant. Non, c'est la troisième fois qu'ils font ça, c'est vraiment sympa. Vous arrivez là, vous buvez un verre, il y a des crêpes et tout ça, c'est familial, c'est pas 90 ans de moyenne et sans vouloir vexer nos aînés. Mais non, c'est vraiment, il y a tous les âges, c'est sympa, ça danse pas forcément le pom pom pom pom pom pom. Ah, bien sûr. Et il y aura une grande chanteuse dont je tairai le nom, mais qui sera là, vraiment, et qui chantera pendant 4 heures et qui est vraiment une chanteuse avec un C majuscule et qui sera là en guest star et qui chantera pendant 4 heures, je la connais très bien, j'ai eu l'occasion de chanter. Mais alors, tu parlais de. Mais pourquoi on peut pas en parler ? Parce que. Moi je le sais, moi. D'accord. Tu parlais de tes dansants, et tout à l'heure, je parlais avec Harry, je lui disais un reportage que j'ai vu ce midi à la télé, et j'ai rigolé tout seul en fait, parce que, enfin, pas des personnes qu'on voyait à l'écran, parce qu'il parlait de tes dansants, les gens qui dansaient sur de la musette et tout ça. Mais ça marche. Mais je me dis, ces personnes ont entre 60, 70, 80 ans. Oui. Et je me dis, mais nous, quand on aura cet âge-là, oui, c'est ça. Sur quoi on va danser? Exactement. Alors Harry me dit, ouais, on va danser sur je les sais années pas si 80. On va danser avec les 4, mais alors maintenant, et, oui. Et par contre, les jeunes de maintenant, ils vont danser sur quoi? Sur de la tectonique. Ouais, bah, ouais, quand ouais, ils auront 80 ans, ouais. Je vois bien les papiers et les mamies de 80 ans en train de faire de la tectonique. Ouais. C'est un truc de fou. Je supportais pas ça, et depuis 3 ans, je vais de plus en plus là-dedans. Donc automatiquement. De quoi, dans la tectonique? Non, dans ce genre de thé dansant. Ah oui. Je pense que justement, ça a évolué avec tout le monde depuis 20 à 25 ans. C'est plus du tout les thé dansants. TF1 là, a fait un truc, c'est vrai qu'on voit les gens de 65-70 ans, il y a tes dansants, mais il y a tes dansants aussi qui sont organisés. Alors que les tes dansants maintenant, bah, t'as des jeunes de 25-26 ans jusqu'à 45 ans. Bien sûr. T'as les personnes de 70, mais ils sont plus en train de boire un verre et tout ça, et les autres, ça danse années 80, ça... C'est entre la semi-danse de salon, il n'y a pas de danse solo, c'est histoire de boire un verre, mais ça permet de faire des rocks, ça permet de danser avec des femmes en rigolant un peu, faire des farandoles et tout. On veut dire, c'est ringard, qu'est-ce que c'est bon de se remettre dans des ambiances familiales. Ouais, c'est sûr. Se manger une crêpe, se boire un verre avec des potes. Mais je suis bien d'accord avec vous. Un jour. Mais moi, mais c'est vrai que, bon, l'explication aussi pour la génération des gens qui arrivent à 70 ans, c'est que, bon, ils n'osent plus trop danser au risque de se déboîter une hanche ou à la caoutchouc déambulateur. Non, mais il y a une chose quand même, les gars, c'est peut-être parce que vous le percevez pas, mais effectivement, on était dansant, ça existe depuis très longtemps. Non, ça a toujours existé. Hein. Comme ça date même musette, les galguettes. Voilà. Le bal musette est devenu le thé dansant, machin. Ça reste, on a dans l'idée de se dire, ouais, le thé dansant, c'est un peu flonflon et tout ça. C'est pas faux, d'ailleurs, hein, quand même, faut être honnête, malgré tout. Ouais, il y a un petit côté comme ça. Mais regardez un peu autour de vous avez, et j'en parlais tout à l'heure à Sherlock, vous avez les fameuses Nike Memories et machin, oui. Où on fait une rétrospective des morceaux des années 80 et 90, c'est exactement ça, c'est que c'est, la génération change un peu, elle vieillit aussi, de plus en plus vous avez des soirées années 80, années 90, où la moyenne d'âge c'est 40-60 ans. Je pense à Jean-Marie Houdemaker qui régulièrement organise des soirées. Bah c'est le thé dansant de la génération 40-60. Et moi, je pense que, effectivement, bon, bah, le thé dansant flonflon, ça va peut-être disparaître un peu quand même. Ouais, je pense. Et avec la génération. Les décennies, elles vont évoluer. Je pense que ça va être notre génération. On fait de l'humour, il faut être honnête, dans 10-15 ans. C'est vrai que nous, on va se retrouver aussi jeunes qu'on va se parler, alors qu'on aura peut-être 65 ans sur la tête. Mais tu seras dans cette ambiance avec nos femmes et tout ça. Et puis qu'on va mettre partenaire particulier, bah, nous, on va aller danser. Exactement. Et on, comme des grands adultes et grands dadais que nous sommes, on verra pas les jeunes de 25 ans là qui souriront qui un petit peu. Notre gueule, parce que, non, ouais, mais comme gentiment, chaque âge bien sûr. A son truc. Et nous, en fait, on va s'éclater. On va revenir en disant, on a passé une bonne soirée. Moi, je vois les gens, ils s'éclatent. Ah ouais, c'est absolument. Et c'est de plus en plus. Et un dernier petit mot, et après, je laisse. Oh, mais pas de soucis. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Là, oui, tout ça. Ouais. Je connais pas de Valentin, moi. Et c'est un mardi, et je pense que je serai pas là, en fait. Voilà. Ah, bah oui. Moi non plus. D'ailleurs, j'en profite d'être à l'antenne. Je passe une petite annonce. Je recherche une Valentine, même si elle s'appelle pas Valentine. Hein. Ça marche. C'est noté. Moi, je recherche une chatte pour mon arbre à chat. Alors, non, très sérieusement, si le 14 février, alors c'est un appel à témoins, je vais chanter bien. Et, tu seras pas là alors? Je serai pas là mardi. Je vais chanter de manière très très professionnelle avec un set pro, les 50 plus belles chansons du monde, c'est pas moi qui le dis, international, au Table de Bruegel. Donc on fait pas de pub pour un restaurant, mais là c'est un lieu où je chantais. Donc voilà, il y a un menu à 35 €, ça commence par le champagne. Avec trois plats, la coupe colonel, machin et tout ça. Donc on est vraiment sur un repas avec colonel moutarde. Colonel moutarde. Et pendant que vous êtes à table avec les bougies, il y a pas ça, quoi la Valentine Day avec une petite surprise spéciale Saint-Valentin, je vous interprète pendant plus de 2 heures toutes les plus belles chansons d'amour françaises et internationales. Voilà, donc je faisais un petit peu ma pub. Voilà. Ah. The ultimate. You raise me up. Les trois sont là. Ah bah je me doute. Sachant que Laisse-moi t'aimer dans la version originale. Tout saurait tout sur le zizi. Non, ça c'est la soirée d'Harry. Samedi prochain. Oui, la montre. Enfin. Non, mais en fin de soirée, tu peux faire la bibita du dul. Hein, bon, ouais. Donc, non, je ne serai pas là ce jour-là. Voilà, je ne serai pas là la semaine prochaine non plus. Ah, ok. Ouais. Bon, voilà. Bah, écoute, merci de nous prévenir. Et puis, ben, voilà, écoute. Tous les auditeurs sont prévenus. Ok. Ouais. Et j'ai envoyé un petit message. Il y a Valérie qui nous a envoyé un message en disant hello en passant, bon direct et j'attends Mike. Alors, bon, apparemment, il n'est toujours pas arrivé. Je ne vois pas de qui elle veut parler. J'attends. Ah oui. D'accord. Ah oui, mais je sais. Ouais, exact. Mais, voilà. Alors c'est qui Mike? Mike, en fait, c'est alors Valérie a lancé un petit défi à Flipkat cette semaine, ouais. En lui disant qu'elle voulait l'écouter en train de chanter du Mike Brandt. Ah ouais, tiens. Ouais. Parce que je crois qu'on s'est tous Tu connais la race à Valérie, chanter, tu vas chez elle et tu lui chantes chez elle. Hein. À chanter ou à chantonner. Ah oui. Et c'est vrai que Flipkat, on n'a pas encore entendu son petit grain de voix. C'est vrai. Donc, je ne vais pas me ridiculiser. Elle lui a lancé le petit défi de chanter du Mike Brandt et elle lui a même dit si tu veux chanter en anglais, parce que lui, il est plus dans le registre anglais, à la rigueur, il peut chanter en anglais. Feeling. Alors, c'était dit lui. Lui, il l'a pas chanté en anglais, par contre. Valérie reste calme quand même. Mais oui, à la rigueur, tu peux même chanter Feeling. T'as pas le droit, hein, donc vas-y, chante. Ah non, mais pas longtemps. Allez, on t'écoute. Ou même My Way, parce que... Je fais pas prier. Je m'aguille la preuve. Mais non, c'est pas vrai. Allez. Ouais, bien sûr. Allez, fais-nous au moins Laisse-moi t'aimer. Mais même My Way, parce qu'il l'a chanté aussi, My Way. Fais pas Feeling, fais plutôt Laisse-moi t'aimer. Non, on va faire Feeling, si tu veux. Bon, c'est quand vous voulez pour l'époque. Ça marche, allez, c'est la chronique maintenant de notre ami Flipkat. Allez. Another one bite dust. Another one bite dust. Yeah. J'essaie de donner le tempo en fait pour que Flipkat sache qu'on n'entend rien. Sherlock à peu près. Ouais. C'est ça. Jean-Michel à peu près. Ouais. Allez, vas-y, c'est parti Flipkat. Allez, c'est parti. Je vais vous reparler des Pogs. J'en avais parlé, je pensais pas que ça montait si loin. Ça doit être dans mes premières chroniques. J'avais fait ça le 9 juin 2015. Ah ouais. Et vous aviez assez bien aimé, je pense, hein, du souvenir que j'en ai. Alors, évidemment, ça, vous en doutez, une fois de plus, à l'époque, c'était un groupe à l'origine qui était fondé à Londres, un groupe anglais, en 82, sous le nom de... Ils avaient un nom différent, puisqu'ils s'étaient fait appeler à l'époque Pog Maon. C'est une transcription à l'anglaise de l'expression irlandaise, donc en gaélique, Pog Moiton, et ce qui signifiait, à l'époque, hein, embrasse mon cul. Excusez-moi, mais c'est la transcription. Pas mal. Alors, bien évidemment, vous imaginez, ça leur a valu de nombreux ennuis pour passer à l'antenne. Tant et si bien qu'ils ont dû raccourcir leur nom en 84, ça leur a quand même pris 2 ans pour percuter. le truc, à mon avis, c'est qu'ils se sont demandé « Merde, comment on va s'appeler de cette là ?» Ouais, voilà. « Brassement ou plus ?» Et pour devenir tout simplement « The Pogs ». Ah, parce que le jour de leur nom leur faisait refuser pas mal de sessions radio, notamment pour leur promotion, ce qui était un peu con. Ils ont mis combien de temps ? Excuse-moi, qui t'apparaît pour un con, The Pogs, alors Pogs, ça veut dire quoi ? Pogs, j'ai pas trouvé vraiment de traduction. Ils ont contracté, mais finalement, Pogs. Pogs, c'est comme le Pog, c'était comme les badges qu'on avait, pas rien à voir avec le Poc. Oui. Le Pogs, c'est... Mais ça, c'est je peux pas dire que ça veut dire embrasse, non, voilà. Je connais pas le mot anglais, Pogs. Non. C'est un nom. Mais éventuellement, je regarderai quand même voir si on peut pas trouver une signification. Ouais, s'ils ont contracté un mot qu'ils n'avaient pas, ils s'appellent The Pogs. Pogs, c'est quoi ? Bah, je sais pas. Pogs, c'est pique. Voilà. Alors donc, le groupe est composé du fameux et célèbre Sean McGowan au chant, qui venait de quitter les Nips, son groupe d'alors, James Fernley à l'accordéon, et les Spider Stacy. Nips. T'écris ça comment ? N-I-P-S. Ok, parce que... Pas les Nips Bar. C'est ça. Mais les Nips, c'est aussi un peu les Nipples. Je pense qu'on peut partir là-dessus. Ouais, à mon avis, je pense que si c'est dans la même veine, les nipples, c'est les tétons. Hein. Ouais, mais merci, je sais. Ouais. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai que Jacques et Michel sont tes amis, toi. Là, absolument. Ouais. Tu sais très bien que j'ai toujours des rapports avec tes parents. Alors, on avait également Spider Stacy, pardon, à la flûte irlandaise. C'était à l'origine les principaux membres du groupe. Il y avait également un guitariste qui est venu les rejoindre quelques temps après, qui s'appelait Phil Chevron. Alors, le succès, il est venu en 85, quand on regarde quand même, ça leur a pris du temps pour se faire connaître, avec la sortie de leur premier album qui était intitulé Red Roses for Me, des roses rouges pour moi, avec un titre qui est sorti, lui, déjà en 84, qui était sorti, pardon, déjà en 84, qui s'appelait Streams of Whiskey. Whiskey. I am going. Streams of Whiskey en 84, qui était donc sur leur premier album intitulé Red Roses for Me. Mais c'est très folklore en fait. Hein. Ah, ça a toujours été comme ça. Mais j'aime bien. Oui, c'est très festif. Faut faire la Saint-Patrick dans les pubs, même les pubs par ici qui respectent la tradition. Mais le pompon, c'est aller en Irlande. C'est déjà en Angleterre. Mais alors, moi, je suis nostalgique de ça. Et il y a d'ailleurs un titre qu'on va passer après. Hein, vous devinez lequel. Bien franchement, sûr. J'ai envie d'en Allez, on continue. Donc, la même année, avec l'aide d'Elvis Costello, Costello, vous connaissez, qui était le parrain du punk et de la New Wave à l'époque, ils enregistraient un second disque, Rum, Sodomy and Lash. Alors, faut-il que je vous le traduise ? Bah oui. Rum, Sodomy et Fouet. Ok. C'était ouais, plutôt BSM, c'était en 85. Hein. Alors, d'un point de vue purement musical, l'album annonce un petit peu la couleur de l'album. Hein. C'est un clin d'œil également à une citation attribuée à Winston Churchill, en fait. Ah bon ? Oui. Alors, et il est où le clin d'œil ? Dans laquelle il critique ouvertement les traditions de la marine britannique. Ah, d'accord. Mais c'est vrai que quand on écoute, bon, déjà, au niveau de la connotation musicale, c'est très festif, effectivement. Mais bon, C'est sûr, quand tu attaques par la sodomie, c'est très festif. Et c'est pour ça le pompon, d'ailleurs. Oui, hein. Le pompon, tu sais pourquoi les marins ont un pompon sur le chapeau Sur le béret, on va dire le béret, oui. Ouais. Non. Alors, c'est pour éviter de se cogner, en fait. Ça fait tampon, en fait. Ouais. Si, effectivement, c'est Rum sodomie... je crois qu'ils avaient besoin de mettre un chapeau. Tu vas dans une explication qui me fait peur, là. C'est pour ça qu'ils avaient le chat à neuf queues dans la marine. C'est vrai, c'est le fouet. Non, tu le connais, toi ? Ah non plus, non, mais arrêtez les gars. Arrêtez, là, il n'est pas 22h encore. C'était un fouet avec neuf lanières. Ah bah voilà, mais c'est ça, alors, c'est Rum, Sodomy et Lash, c'est ça ? Oui, d'accord. Lash, c'est le fouet. D'accord. Le chat à neuf queues. Alors évidemment, il y avait d'autres titres, hein, toujours dans un style de folklore traditionnel, avec le titre suivant, que voilà, dont j'ai oublié le titre. Tu peux me l'annoncer ? Sally McLennan ? Allez, vas-y, balance, oui. Tu peux me l'annoncer, j'adore. Balance, parce que, en fait... Jimmy didn't like his place in this world of ours. Where the other man brought storm in his decks and he had too many powers. So I sad to see the grieving of the people that I'm leaving. And he took the road for God knows in the morning. We walked into the station in the rain. We kissed him as we put him on the train. And we sang him a song that time's long gone. Oh, we knew that we'd be seeing him again. Sad to say, I must be on my way. So buy me beer and whiskey, cause I'm going far away. I'd like to think I'll be returning when I can to the greatest little birds around, to Sally McLennan. The years went by and twice the chance I grew to be a man. I learned to love the virtues of Saint Sally McLennan. Par contre, le titre que je cherchais précédemment, puisque j'ai un petit peu merdé, vous m'excuserez, il y avait un incontournable, puisque c'est donc Wild Rover. Wild Rover. Et c'est le nom d'un pub, en fait. I've been a wild rover for many a year, and I spent so many money on whiskey and beer. But now I'm returning with gold in great store, and I promise to play the wild rover no more. And it's no nay never, no nay never, no more will I play the wild rover. No, never, no more. I went to an alehouse I used to frequent, and I told the landlady me money's all spent. I asked her for credit, she Oui, on me dit d'attendre la lumière, la petite lumière rouge est allumée, effectivement, donc je peux parler. Dès que le beau rouge est là, tu peux c'est parler. Ça. Rouge, oui. Ça fait les hôtels de passe. Donc, c'est ça. La lumière rouge est allumée, c'est bon. Tu peux rentrer. Vas-y, lâche-toi. Donc, World Rover 84, je suis que je dis. C'est pas le plus, c'est pas le concours du meilleur pâtissier. Alors voilà, donc ben évidemment Sean McGowan donc a développé ses talents d'auteur avec ben ces titres-là qui présentent quelques chansons en texte. Hein. Bon, pour ceux qui peuvent comprendre l'anglais, c'est assez intéressant de décortiquer, d'écouter de quoi parlent les chansons. Alors évidemment, vous en doutez un petit peu, on y arrive tout doucement, puisqu'en 85, ils ont sorti un deuxième album qui s'appelait, donc ça j'avais mentionné, Rum Sodomy and Lash, dans lequel on va trouver le succès international Dirty Old Town. Dirty Old Town. Et c'est Old Town, pardon, c'est pas Dirty Old Town. Absolument, ouais. J'adore. Et franchement, je vous invite, si vous avez l'occasion un jour, même si vous... Parce que l'Irlande, il faut quand même prendre l'avion, hein, ici à Charleroi, mais ne serait-ce que d'aller en Angleterre au moment de la Saint-Patrick, dans les pubs. Et pourquoi je tu parles de l'Irlande alors? Pardon? Pourquoi tu parles de l'Irlande? Non, parce que c'est plus là, il faut prendre l'avion. Avec Ryanair. Ah oui, d'accord, oui. Ah c'est oui, faisable, oui. Hein, c'est abordable. Après, tu peux, pour moins de 80 euros, tu peux faire, prendre avoir un aller-retour. C'est aller en Irlande par Ryanair. Il y a Saint-Patrick qui doit s'attendre dans sa tombe. Non, non, mais c'est le truc le plus simple et qui est encore abordable au niveau prix. Pour 5 jours, tu peux avoir un aller-retour pour 80 euros. Hein. Mais tu peux retrouver cette ambiance-là déjà en Angleterre. D'accord. Il y a quelques pubs ici qui respectent la tradition, hein, faut pas aller trop loin. Mais franchement, l'ambiance est tout autre. Ce que j'ai toujours aimé, c'est que dans les pubs, on trouve des gens de différents horizons, ouais. De différentes couches sociales. On a aussi bien le banquier qui va parler que les boueurs, le balayeur de la rue. Et on a ces groupes qui viennent, qui demandent toujours l'autorisation au patron. Là, ils peuvent 3 jusqu'à 8 personnes avec leurs instruments et viennent jouer. Ah, sympa. Et franchement, j'en ai gardé un souvenir. Mais ça, c'est la tradition irlandaise. C'est la tradition, ouais. Le banquier, c'est le folklore. L'ouvrier, il dit, tu sais que ton compte est à des... Non, mais c'est des choses ici, je sais pas. Si, je pense que ça existe. Si, certains endroits, mais très peu. Mais là-bas, c'est courant. Je veux dire, tout le monde se rencontre. Et franchement... Et bah oui, bah ce morceau-là, Dirty Old Town, chaque fois que j'entends, ça me fait bref. Quoi. Bah, d'ailleurs, soit dit au c'est la nostalgie. Hein, au passage, est-ce que pub, c'est pas la contraction de public? Public, ouais. Ah, hein. Oui. C'est oui, ça, hein, je pense que c'est ça. Hein. Ouais. Allez, on envoie Dirty Old Town. Night on fire. I smell the spring on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture. Ah moi j'adore. Alors ce titre-là, évidemment, c'est pas une composition du groupe, c'est une reprise de Ewan McCall. Ah d'accord. Ça fait partie du folklore irlandais. Il faut savoir aussi que les... Bon, ça vous connaissez peut-être pas, mais ils ont également enregistré avec des groupes folkloriques très, très connus hein, en Irlande, notamment les Dubliners qui venaient effectivement de la ville de Dublin. Voilà. Alors ben, rapidement, malheureusement, leur succès n'a pas duré bien longtemps, puisque ben, dès l'année suivante, ça commence à être le déclin. Le groupe n'avait pas réussi à profiter de la lancée par ce succès commercial et artistique de leur deuxième album, ce qui est bien dommage, et ils commencèrent par refuser d'enregistrer un autre album. Alors pour quelle raison, ça on n'en sait pas trop, et c'est à cette période en particulier que la façon de vivre de plus en plus erratique du chanteur, ça c'est pas trop bah, il faut dire quand même que c'était le mec qui était pas très clean, hein, le chanteur, oui, le bah leader, voilà. Donc je veux dire, sans grande surprise. Bah, je me dis cocaïne, j'en sais rien, mais quand on voit l'état de ses dents... Ouais, il s'en cachait pas, il en avait... Bon, voilà. Ouais, je pense, hein. Et donc, bah, évidemment, vu les sautes d'humeur du chanteur, hein, qui était l'auteur principal et le meneur spirituel du groupe, Sean McGowan troubla la vie du groupe, qui participera à divers projets à cette époque. Alors, il y a d'autres titres, hein, après, qui sont sortis. Alors, je sais pas si tu l'as, le single Haunted, qui était repris par Sean McGowan en solo, et Shined O'Connor, qui était sorti en 86. Ah, ouais. Hein, donc ça tu l'as pas. Tu l'as pas. Ouais. Il fait partie de la bande originale du film Side and Nancy. Sad Vicious. Ah oui, oui, d'accord. Une autre bio qui est pas dénuée d'intérêt. Sur les Sex Pistols. Alors, savoir que Sean McGowan et son groupe ont joué également dans le film d'Alex Cox, Straight to Hell, en 87, en compagnie notamment de Joe Strummer. Joe Strummer qui était donc un des membres des Clash. Ah oui. Grace Jones, entre autres, Elvis Costello, Courtney Love et Dennis Hopper. Alors, ils réussiront. Tous des gens clean. Pardon ? Tous des gens clean. Ça a dû l'aider. Ils vont réussir cependant à sauver les meubles pour enregistrer If I Should Fall From Grace. Ouais, ça, je l'ai. Tu as. Eh ben, tu en vois. Je l'ai. Si je devais perdre la grâce de Dieu. Ouais. C'est 88. Celui-ci. Can relieve me if you stick me in the side, but the angels won't receive me. Let me go, boys. Let me go, boys. Let me go down in the mud where the rivers all run dry. This land was always ours, was the proud land of our fathers. It belongs to us and them, not to any of the others. Let me go. Let them go, boys. Let them go down in the mud till the rivers all run dry. If I Should Fall From Grace With God. Alors la même année, il y avait un autre tube qui était sorti, donc toujours en 88, un chant de Noël qui s'appelait Fairy Tale of New York. Yeah. Ah bon. Fairy Tale of New York. Alors, et c'était avec Conte Joyeux de New York. Alors, Christy McCall. Oui, duo par Shane McGowan et Christy McCall, exactement. There was Christmas Eve, babe, in the drunk tank. An old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain dew. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in 18 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true. You promised me Broadway was waiting for me. You were handsome. You were pretty queen of New York City. When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the drunks we were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing, go away, babe. And the bells were ringing out for Christmas Day. Tale of New York. En fait, donc, comme tu le précisais. Attends, reviens en arrière, Flipkat, parce que je crois que t'étais pas câblé là. J'ai pas entendu le petit mot. Ouais. Donc, je disais, c'était Fairy Tale of New York, un titre de 88, et comme le précisait Sherlock, en duo, donc avec Shane McGowan, évidemment. Non, et Christy McCall. Christy McCall, voilà. Alors, mon soir était numéro 1 en Irlande, numéro 2 au Royaume-Uni. Et en fait, c'est un très grand classique festif qui passe encore quand on prépare les fêtes de Noël, qui évoquait en fait l'histoire des immigrés irlandais à New York qui se rencontrent le jour de Noël, juste après la Seconde Guerre mondiale, en fait. D'accord. Qui se retrouvaient sur Ellis Island. Hmm? Qui se retrouvaient sur Ellis Island. Bien possible. C'est ça, hein? Ça, je ne saurais pas te dire, tu vois. Ah, je pense que si. Mais non, bien possible. Alors, le groupe était au sommet de son succès commercial, mais McGowan, devenant de plus en plus incontrôlable, une fois de plus, écoutez, c'en est resté là. J'irais même après des tentatives comme un album qui s'intitulait Hell's Ditch, Le Fossé de l'Enfer, produit par Joe Strummer des Clash. On attendait Stacy Finer chanter dans plusieurs chansons à la place de McGowan, qui avait, lui, déjà déserté le groupe, bien avant que l'album soit terminé. Et en fait, je pense qu'on peut dire que le groupe était définitivement terminé en 91. Et donc, depuis, des nouvelles du leader ou pas? J'avais entendu dire qu'il y avait des tentatives d'album solo, mais ouais. Pas de retour fracassant, quoi. Ça avait pas, ouais. Je pense pas que la sauce est la prise. Voilà. Eh ben écoute, on peut se faire plaisir, eh. Dirty Old Town. Allez, Dirty Old Town, ouais. Ou, alors, en coupure musicale. Oh, moi, ça me va très bien. Ah, tu vas pleurer, hein, par contre. Non, on va essayer. Dirty Old Town, juste celle-là. Et ouais, ben, ouais, et on va les servir une autre. Bah si, on va servir une derrière. Alors, un petit ABC, son vas-y. Allez, bah moi, je... Tu peux pas nous sortir un petit Hugo Frey, tiens, parce que dans le t'as pas ça dans ton frigidaire, un petit morceau de Hugo Frey? Ah bah Tubol par exemple. Ouais, surtout quand on a plus Stéphane, il est trop cher. Ouais, Stéphane est cher. Je ouais. sais pas. Ah bah tiens, justement, on parle de Stéphane Escher. Vous avez vu quand même qu'il y a eu un reportage assez sympa sur Stéphane Escher, parce qu'il est venu au centre Marius Taquet et qu'il était venu visiter Disco Box. Vous avez déjà vu ça? Il y a une. Disco Box, ça me parle. Donc c'était le fameux disquaire qui était, Tenu par Luc Kellar. Voilà, rue de la Marière. J'ai pas de Hugo Frey, désolé. Bon, c'est pas grave. Et il connaissait Disco Box, donc il est venu à Disco Box. Et il y a un petit reportage là qui traîne sur Facebook. Et je crois que d'ailleurs c'est Philippe Dont, Boris, alias Boris, qui a remis ce petit extrait là, où il arrive et il découvre que dans le magasin il y a un grand disque de platine, je pense, du groupe Iceberg. Avec une reprise qui avait été faite pour Iceberg. Enfin, faut voir le truc, c'est assez sympa. Et Stéphane Escher n'était pas au courant. Et il arrive dans le bureau et il fait Donc, mais il faut voir le truc, c'est assez sympa. Voilà, enfin bref, je voulais vous parler de ça, puisque vous parlez de Stéphane Escher. Moi, au mois d'avril, je vais essayer. Ça serait monsieur Stéphane Escher. Hein? Oui. Qui pourrait venir. Ah ouais. Ah, bien sûr. Ah, mais c'est un gag ou c'est... Non, en relation avec un photographe. Ah bah oui, bien sûr. Il serait dans le coin, c'est quelqu'un de bizarrement très disponible. Il paraît. Ah oui, oui. Il n'y a pas question d'argent, je veux dire, il est tout sauf naïf, c'est un artiste. Mais s'il est dans le coin et que ça peut être sympa, si le feeling passe, donc... Mais voilà, pour la petite info... Pas je suis dessus, mais si le gars peut le venir, il Mais tu as raison, mais en plus, pour la petite info, il avait, il y a quelques années, le début de sa tournée avait commencé au centre Marius Taquet. Et il a eu répétition pendant plusieurs jours, il avait été en résidence au Marius Taquet. Oui. Et ensuite, il est parti en tournée, en démarrant au Marius Taquet. Mais regardez sur Internet, vous tapez Stéphane Escher, Moucron, et vous allez tous voir ce petit reportage assez sympa. Mais aussi monsieur William Scheller. Ah bon. Pareil, un photographe, ça serait voilà, qui est aussi très accessible. C'est bon, il vient pas au Get Star, voilà, il sera là ou pas. Il faut que tu ramènes un clavier. Ça marche. C'est un Mozart. S'il peut passer, c'est quelqu'un de très sympa. Il restera pas à 3 heures, mais il peut venir dire bonjour 1 heure en passant. Ça lui plaît. Il aime bien ce genre d'ambiance. Eh ben écoute, nous, ce sera avec plaisir. Hein. Voilà, donc j'ai essayé de voir ça. Ok, bah voilà. Ça marche. Bah allez. Écoute, là on s'écoute donc The Pogues avec Dirty Old Town. Ouais. Et ensuite, bah, ce que j'avais de plus près de Hugo Frey dans la liste, c'était Huey Lewis and the News avec The Power of Love. C'est pas rien à voir au niveau musical, mais bon. Pas du tout. Ouais. Mais c'est très bien, hein. C'est très bien et je l'ai pas mis depuis très très longtemps celui-là. Ah, je rigole, toi c'est la musique de Retour vers le futur et tu nous l'as déjà passé. C'est génial. Ah bah oui, c'est vrai. Bah oui. Je le dis. Ah non, je pensais aux Corgis. Ah ouais, non. Mais c'est pas les mêmes. Allez, mais c'est très bien. Allez, c'est parti. Met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall.

pas le faire, j'arrive même pas. C'est comme si je voulais siffler en fait. Je t'aurais fait R2D2, mais comme c'est pas permis. Ah non, non, on peut le faire mieux que ça. R2D2. Tu sais comment on peut faire un R2D2? Vas-y, dis. Ah non, ne bouge pas, bouge pas. Je te fais R2D2. Ah oui. Ah non, ça fonctionne pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. Si ça fonctionne, c'est parce que tu l'entends pas. D'accord. Effectivement, c'est un peu chiant. Merci. Mais oui, il a fait quoi? En fait, il a approché le casque du micro pour que ça fasse un Larsen. La mort au tchitché. Non, pas la mort au tchitché. Allez, parle-nous de cinéma. Donc, oui, de cinéma. Je vais vous parler de cinéma, effectivement. Donc, les sorties de demain pour la France et la Belgique. Et je vais commencer par la Belgique. En sachant que ça sort aussi en France. D'accord. Tu vois, ce qui est un peu, finalement, t'embêtes pas. Bah ouais, ouais, en fait, voilà. France et Belgique, voilà, je vous fais les sorties France et Belgique donc pour demain. Et donc, je commence avec le film La La Land. Ouais. Avec Emma Stone, Ryan Gosling et John Legend. C'est un film de Damien Chazelle. Ça sort donc en France également demain. Et donc, ça se passe au cœur de Los Angeles. Une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions. De son côté, Sébastien, donc, qui est joué par Ryan Gosling, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent, et donc leur destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions et à la vie trépidante d'Hollywood? Alors j'ai vu des affiches sur les bus, parce qu'en ce moment, il est noté le meilleur film de l'année. Bah ouais. Je vais aller le voir. On est le 24 janvier. Non, mais je vais aller le voir trois fois. Je pense que ça va être un phénomène, ce film. Ouais, oui, mais non, je pense, d'accord. Ce qui mais... me vient, c'est le titre, quoi. La La Land. Ouais, mais... ouais. Ouais, bon, peut-être... Mais le truc, c'est que... moi, comme ça, une musicale, ça on est d'accord. La façon, c'est surtout le... Bah, je vais te laisser ta chronique, mais le réalisateur, la façon dont c'est fait. Puis bah, j'ai bien suivi aussi. Je suis vachement branché le truc. Je l'ai suivi, ce film. Et c'est vrai, ils ont pris des gens qui ne savaient pas danser, tout ça. Donc c'est vraiment de l'émotion. C'est vraiment un film où les acteurs ont dû travailler. Ils ne voulaient pas des grands professionnels dans le rôle, un vrai pianiste, une vraie danseuse. Ils voulaient des gens qui ont dû vraiment s'arracher. Et elle dit, elle en avait mal aux pieds. C'était... même s'il a été payé, se dire ok mais bon je suis pas danseuse quoi. Ils ont vraiment fait un truc et je pense que ça va être un phénomène parce que c'est vraiment des films qu'on fait plus quoi. Bah c'est depuis Dirty Dancing peut-être. Merci, Sherlock. Ouais. Désolé, non c'est pas grave. Mais non moi ce qui m'a fait un peu sourire c'est de voir sur l'affiche le meilleur film de l'année. Oui, mais... je fais, mais on est que le 24 janvier, quoi. Donc... ouais. Je me suis dit, c'est un peu con, quoi. Ouais, en même temps, s'il n'y a pas eu beaucoup de films avant, ça va, mais... Les critiques en preview sont unanimes. Ouais, ouais, pareil, si, pareil. C'est vrai que les critiques Paris, sont y a vraiment très bonnes. Trucs sont passés, les journalistes sont dit, bon, allez, ok, à la fin, se dire, ouf, putain, c'est un ovni aussi. Il paraît, ouais, pareil. Ouais, ouais, j'ai entendu du bien, ouais. Alors, ensuite, sort également demain, donc en Belgique, parce que c'est sorti en France le 18, donc la semaine dernière, Un sac de billes. Avec Christian Clavier, Elsa Zilberstein, Patrick Bruel notamment. Et c'est un film de Christian Duguay dans la France. Donc, mais c'est tiré d'un roman, ça ? Ouais, Un sac de billes de Joseph Joffaut. C'est ça, ouais. D'accord. Donc c'est dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d'une incroyable dose de malice, de courage et d'ingéniosité pour échapper à l'invasion ennemie et tenter de réunir leur famille à nouveau. Donc moi, je l'avais lu, j'étais à l'école... Histoire je devais vrai, être hein. au collège, ouais, c'est l'histoire vraie. Vrai. C'est l'histoire de Joseph Joffaut. Ouais, je me rappelle, je l'ai lu aussi, j'ai dû faire une fiche de lecture. Ah, exact. Vous rappelez ça, fiche de lecture, mon Dieu. Et le pire, c'est quand il fallait aller, c'était le Furet à l'époque, oui. Ou la Fnac. Ou la Fnac, et s'acheter le bouquin pour le lire. Ouais. Ou alors aller à la bibliothèque. Je me rappelle, on devait les acheter. Ah ouais. Ouais, quoi que moi aussi, ouais, je me rappelle. Ouais, bah oui. Si, si. Le Furet du Nord. Ça existe encore, hein, quand même. Ouais, ouais, ça existe. En disant ça, moi, la puissance, on disait toujours, même avec les parents, on va aller au Furet du Nord. Ouais, ouais c'est fini. J'ai connu non, la Fnac à V2, tu vois. Ah ouais, maintenant, ouais, c'est Zara. Ah oui, exact. La Fnac mais c'est marrant, hein, quand on dit le Furet du Nord, c'est comme si on avait, je sais pas, le Putois du Sud, quoi. Mais... non, mais sérieux. Ouais. C'est rentré dans nos têtes, mais le Furet du Nord, quoi. Ouais. Ça pue comme pas un et du Nord. Ouais, c'est ça. Un peu bizarre comme nom, hein. Bah ouais, c'est vrai que c'est louche en fait, quand on y pense, c'est pas con. Bah ouais, non, mais le Putois du Sud, ouais, c'est vrai qu'il y a pas ça. Bah non, mais je sais, des fois t'as des noms de magasins. Le sirop d'érable. Il y a des trucs, des fois des marques où tu te dis, mais c'est rentré dans l'inconscient de tout le monde et on se dit, mais ça veut dire des trucs complètement débiles quoi. le sconce de l'Est. Le sconce de l'Est. Ben ouais, non, mais ouais. Caribou, le caribou du Québec. Ouais, allez chercher mon bouquin au caribou du Québec. Alors, je vais continuer donc avec une comédie. Donc, ça sort en France demain. On n'a pas encore de date pour la Belgique. Il y a également des très bonnes critiques dessus. Et c'est tiré d'une histoire vraie également. Donc, c'est L'Ascension, c'est avec Ahmed Silla, qui est un humoriste qu'on a vu notamment dans On ne demande qu'à en rire sur France 2. Ouais. Oui, peut-être, ouais. Il passe également, enfin, il a un spectacle sur Paris, je pense, en ce moment, avec Alice Belaïdi, Kevin Razi, qui était également dans On ne demande qu'à en rire. Et c'est un film de Ludovic Bernard, donc c'est Pour toi, je pourrais gravir l'Everest, c'est Samy qui aurait mieux fait de se taire ce jour-là. En fait, il essaye de draguer une fille qui s'appelle Nadia et qui lui dit, ben, chiche. Et lui, pour l'impressionner, en fait, va vraiment aller gravir l'Everest. Elle, au départ, le croit pas, et de toute façon, elle s'en fout un peu. C'est tiré d'une histoire vraie. C'est tiré d'une histoire vraie, ouais, ça s'est passé il y a quelques années. C'est un gars du 9-3, hein, de Seine-Saint-Denis, qui avait vraiment faim, qui est parti gravir l'Everest. Il y en a qui payent des restos, il y en a d'autres qui montent l'Everest, choisir. Mais enfin, voilà, quoi, ça a été tourné sous le ton de la comédie, et ça a l'air vraiment sympa. Un bon petit film familial, quoi. À aller voir demain. J'ai mis 6 mois à monter les vrais, c'est toi qu'est-ce que tu faisais pendant ce temps-là, je montais ta copine. Et je vais finir avec une autre comédie. Alors, celle-là, j'ai franchement envie d'aller la voir. Ça s'appelle The Boyfriend, Pourquoi lui ? C'est sorti le 11 janvier en France, en Belgique, pardon. C'est avec James Franco. Alors, James Franco, c'est celui qui a joué 127 heures. L'histoire de l'alpiniste qui s'était coincé dans une faille, qui s'était coupé la main, voilà, qui a également fait le rôle du fils du bouffon vert dans Spider-Man. Mm-hmm. Le fils. Ah oui, d'accord. Avec Bryan Cranston et Zoé Dutch, c'est un film de John Hamburg et c'est donc un père de famille qui emmène sa famille visiter sa fille à Noël et se retrouve en compétition avec le petit ami de celle-ci, un jeune devenu milliardaire grâce à Internet, qui va en gros tout faire pour les impressionner. C'est lui qui est tatoué, non ? Ouais, je pense. Ouais, il est tatoué. Et à mort, ça part complètement en cacahuète. Et franchement, rien que la bande-annonce. J'ai franchement envie d'aller voir le film parce que ça m'a l'air d'être une tuerie, quoi. J'aime beaucoup Sherlock à 22h20, ça part en cacahuète, alors que quand tu regardes la bande-annonce, t'as compris, ça part en couille con. Ah ouais, bah ouais. N'ayons pas peur des mots. Mais j'en ai entendu parler. Il regarde l'heure, on a le droit de dire couille à 22h20. C'est vrai. Ouais. Mais non, franchement, ça m'a l'air très très bien. Et les critiques sont bonnes aussi sur le film, donc franchement, je vous invite à aller le voir. Ouais. Je me méfie toujours un peu des critiques, mais... Oui. Voilà, critiques après... La bande-annonce, tu te dis que vu l'ambiance, ça peut... Tu peux pas avoir ces scènes et deux secondes après ça soit calme. Ouais. Ça doit être c'est une surenchère en fait. C'est une surenchère et ça doit être vraiment drôle parce que ça, à voir, c'est un truc de barré complet. Il me plairait bien celui-là. Ouais, mais moi aussi. Il me plairait bien. Donc c'est ce que tu irais voir là. Celui-là et alors maintenant, j'irai en voir trois. C'est d'accord. Le premier, La La La. Le deuxième, je supporte même pas le truc, le sac de billes, mais ça a l'air d'être une très très belle interprétation. Donc voilà, et celui dont j'ai vu le terme... L'Ascension. Par contre, le mec, il monte l'Everest, moi, les trucs un peu masturbation solo... mais L'Ascension, ça sort jeudi. Non, ça sort demain. Non, le jour du poisson, mon ami. Le jour du clave. Flip 4, tu irais voir quoi ? Il y en a pas un qui m'inspire. Franchement, en ce moment, je trouve que c'est... Un peu calme. Si, à part la fois dernière, ce que tu avais proposé, mais. J'aime bien, il n'y a rien à faire, moi je reste beaucoup sur le fantastique, la SF. Le film sur les juifs qui s'échappent. Ça ne fait pas. Non, je ne sais pas pourquoi. Je prends les auras. Honnêtement, là, il n'y a rien qui botte. Il y a également le film Tous en scène qui sort en France, qui était déjà sorti en Belgique. Film d'animation. Donc là, c'est. Alors, je sais plus, je crois que c'est un raton laveur ou quelque chose comme ça qui tient un théâtre qui commence à tomber en désuétude. Et pour relancer un petit peu son théâtre, il organise en gros un grand concours de chant. Ouvert un peu à tout le monde et il va tomber aussi sur des personnages haut en couleur, on va dire. Avec la voix de Bruel dans le koala. C'est peut-être ça, ouais. C'est possible. C'est un koala, voilà, c'est un koala. Un koala. Qui tient le théâtre. Avec un autre aussi très connu, j'ai vu hier. C'est d'accord. Bruel dans le koala. D'accord, ok. J'en avais pas reparlé vu que j'en avais déjà parlé lors d'une précédente chronique. Ça marche. Voilà. Eh ben écoute. Ouais. Et toi, tu irais voir quoi alors? Ouais, j'allais poser la question. Bah ouais, écoute, bah j'en sais rien parce que là, je suis pas branché. Ah bon, ça va, ça me rassure parce que des fois, je me dis, est-ce que c'est moi qui est difficile? Mais... Non. C'est parce que après, voilà, ce type de film, la manière dont tu en parles, je dis pas que tu en parles très mal, hein, tu en parles très bien, mais. Je me dis, je préférerais être bloqué dans mon fauteuil à regarder un petit DVD ou en VOD. Ou Great Balls of Fire. Ou... ouais, voilà, parce que tu vois, là, je me dis, aller au cinéma, me déplacer pour aller voir ça, bof, non, je suis pas emballé. Oui, mais c'est ça. Mais moi, c'est exactement cet état d'esprit. Je veux dire, même avec les places à tarif. À des fois, même à cette boule, je me. Si je suis déçu, je me dis, merde, ça fait chier. Ouais, non, mais c'est ça. Non, je suis pas emballé plus que ça. Honnêtement, non. Non. Bon, eh ben écoute, en tout cas, merci de nous avoir donné envie d'aller au cinéma à nos auditeurs et auditrices. Ben, il nous reste que quelques minutes, peut-être le temps de rappeler quelques dates, Canon, évidemment. Oui, attends, je reprends dans l'ordre. Donc, pour commencer, le 12 février, le quartier du Petit Courtrai fera en fait donc un bal de la Saint-Valentin. En fait, ouais, bon, on y sera, tiens. C'est un dimanche, non? Ben, j'allais vous dire, en plus, vous êtes conviés. Ouais. Donc l'animateur à venir, c'est un dimanche, crêpe, tout ça, crêpe party, se boire un petit verre, c'est sympa. Donc une super chanteuse qui sera là. D'ailleurs, Sherlock, il aime beaucoup les crêpes bretonnes. Voilà. Avec son grand marnier. Non, sans grand marnier. Si vous aimez la Saint-Valentin, alors à partir de 20h aussi, le 14 février, au table de Bruegel, donc à Moucron, rue de Menin, un super repas Saint-Valentin avec j'interprète. Bah nous, on va avoir des problèmes pour venir. C'est compliqué, mais je veux dire, voilà, c'est un mardi. Donc ça sera le... voilà. De 20h à 22h, environ 50 chansons, les plus belles chansons internationales, françaises et internationales, chantées par Moué. Donc, désolé pour vous, voilà, pendant un repas de Saint-Valentin. D'autres dates, le 8 avril, donc ça sera Miss Moucron. Vous pouvez aller, vous tapez Miss Moucron sur Facebook, et puis vous avez, c'est 15€ la place, vous avez toutes les candidates. Il y a un spectacle qui s'appelle Notre Drame de Paris, donc qui sera un spectacle burlesque, avec aussi, alors par contre, chant. Je sais pourquoi ça s'appelle Notre Drame. Ouais, non, sincèrement, c'est bien écrit. J'aurai la joie, le plaisir, le bonheur et l'avantage d'être dans le jury et d'être sur scène aussi pendant plus de 2 heures à chanter, miauler avec tous les gens du coin. Voilà. Ça marche. Et bientôt, je vous amènerai aussi dans une super soirée au Singing Studio. Ah, avec plaisir. Où vous serez conviés. Ah ben écoute, avec plaisir. La fête. Avec plaisir. Et ben il nous reste quelques minutes, 2 minutes exactement pour se biser. Baisser son gnome. Bon, non, je sais pas, t'as envie de terminer sur un titre particulier, Sherlock? Oh non, j'en avais pris 2 comme ça. C'est quoi alors? Au hasard, il y avait les Pretenders avec Don't Get Me Wrong. Ah oui. Et UB40 avec Kingston Town. Tiens, en plus, il y a un point commun quand même entre les deux. Chrissy Hynde. Eh oui. Mm-hmm. Qui a chanté Agathe Bay. Ah bah si tu veux, je vais mettre Agathe Bay. Reprise d'ailleurs. Ouais. On vous laisse là-dessus? Non, ah pardon. Bah si, on se laisse là-dessus. On va se quitter là-dessus, donc bisous, et puis on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, évidemment, sur RQC 95 FM. Ouais, d'accord. Ça sera dans 15 jours. Oui, parce que tu nous fais la malle. Je travaille. Ok, ça marche. Et avec Onissa qui me remplacera avec sa voix féminine, et son corps et ses yeux de charme, donc à choisir, je préfère que je laisse ma place. Ouais. C'est vrai. Allez. Allez, on se quitte là-dessus, sur ces bons moments. Allez, c'est parti. Ciao, portez-vous bien. Allez, ciao, bye. I see neon. got flowers in the spring. I got